rendez-vous lundi soir. Ah bah oui, 23h là. Lundi soir, on sera là. Ah bah là, on est fonctionnaires, nous. Vous êtes là? On est fonctionnaires, nous. Ah oui, oui. Alors, c'est l'heure. Vous commencez à l'heure. Bonsoir, Mickaël. Je rappelle que si vous voulez réécouter les meilleurs moments de l'émission pendant le week-end, loveinfun.fr, bien sûr. Très bien, bah voilà. Ça va bien, Mickaël. Bon, bah pleine écoute, forme. Tant mieux, parfait. Est-ce que tu entends ma belle voix dorénavant ou pas? Ils ont changé le traitement, c'est pour savoir. Ah. Parce que personne ne remarque, alors je voulais savoir. Non, toi. Pas vraiment, non. Non, enfin, bon, d'accord. Parce si. Apparemment, j'ai plus de couilles, mais je m'en rends pas bien compte. Ouais, ouais, je te confirme que. Ah, c'est pas évident, hein. Bah, je sais bien, ouais. Un peu plus fort non, que d'habitude. Non, tu es fidèle à toi-même. C'est, bah, c'est déjà ça. Mais je te remercie, Karima. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine. Je ne touche pas aux femmes déjà prises. Comme je sais que maintenant Karima est avec un taximan. Qui m'attend en bas d'ailleurs. C'est normal, d'ailleurs on l'embrasse. C'est une histoire qui dure. Ah bah oui, hein. Eh oui. C'est une histoire qui roule. Ah bah c'est une histoire qui roule. Et je tiens à dire au taximan donc qu'elle a rencontré avant-hier, Frédéric, qu'elle nous a parlé de toi pendant toute l'après-midi, c'était un truc de ouf. Oh là là, Fred, moi je dis Fred par là. Et Fred est mon taximan et il est beau et taxi G7. Elle, enfin, ne mange même plus. Ah, mais elle mange plus là. Moi aussi j'ai pris 3 kilos, t'inquiète, je mange. Ouais, mais c'est l'alcool, ça, c'est rien à voir. C'est pour oublier. Oui? Non, je m'arrêterai là. Gros bisous, bisous à Karima. Tous, à lundi. Allez, salut à vous, à lundi. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ouais, et puis nous on est parti jusqu'à 2h sur Fun Radio. J'aime ce qui pue. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël Nolimi, des hors-la-loi dans la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 2h du mat pour la dernière de la semaine. Et on revient évidemment dimanche, on reviendra dimanche en direct de chez Olivier à Noyon, c'est en Picardie. Enfin, s'il reste des trucs, hein, vu la tempête qui arrive, c'est pas gagné. Donc on va voir, j'espère que les bâtiments seront encore debout. N'oubliez pas d'ailleurs que dès que vous croisez quelqu'un, évidemment, il faut lui dire qu'il y a enfin quelque chose le soir à la radio. Et qu'évidemment, c'est sur Fun Radio que ça se passe du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et donc dimanche de 20h à minuit. Et oui, effectivement, ça arrive et c'est dur. Oh mon Dieu! J-8 avant la Saint-Valentin. Mais oui, tout le monde est en panique, je sais, la date approche. Est-ce que tu as prévu quelque chose, Mehdi, pour la Saint-Valentin ou pas, toi? Eh ben, pas du tout. Pas du tout, mais t'es avec une fille ou pas? T'as une copine? Non, pas du tout. Ah bah non, voilà pourquoi t'as rien prévu. J'ai prévu un cadeau pour ma mère, parce que c'est sa date de naissance. Oh, so sweet! Très bien! Bon, Mehdi, attends, reste avec nous. Damien qui est avec nous, Damien! Oui. T'as prévu un truc pour la Saint-Valentin ou pas, toi? Non, non, non. Rien, mais t'as une copine? Non. Oh putain, on a que des cassons ce soir, là. Attends, Sébastien, également. Allô, oui, Sébastien? Oui. Ça va, Sébastien? Ça va. Bon, je vais poser directement la bonne question. T'as une copine ou pas? Oui. Ah, et t'as prévu un truc? Attends, qu'est-ce que Karima s'en va? Dépêche-toi, Karima, là, Frédéric va pas tarder, là. Le taximan, évidemment, l'amour de sa vie qu'on ne fait pas attendre, et c'est normal. Bon, Sébastien, t'as prévu un truc pour le 14 février? Ouais, un restaurant. Un restaurant? Et évidemment, tu t'attends à ce qu'elle te dise. T'aurais pu choisir un restaurant plus cher. Alors je ne vaux que ça à tes yeux. Et hop, ça y est, la soirée va être foutue. Hein. C'est un petit peu ce qui va se passer. Hein. T'es conscient de ça, Sébastien? C'est ta première Saint-Valentin avec elle ou pas? C'est ça. Ah, oulala. Eh ben écoute, bon courage. Hein. On en parlera. Ne bouge pas, Sébastien. On va en parler. Damien également, là, qui est avec nous. Et puis, bah, comme tous les soirs, là, tout le monde, vous m'appelez maintenant, là, si vous voulez prendre le contrôle de Fun. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Vous passerez l'antenne, hein, pour parler de ce que vous voulez, tout simplement. Et comme chaque soir, il y a Sandro qui est au standard. Comment va? Oh, ça va. Très bien. Toff également, qui prépare le numéro de ses nouveaux amis, hein, comme d'habitude. Hein. Ah, bah oui, je les cherche. Bah oui, comme d'habitude. Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, ce sera d'ici un bon quart d'heure. Et puis Polo aussi qui astique une dernière fois le pipeau avant la soirée au El Patio. Oui. Ah bah oui. Le El Patio, ce sera vendredi. Demain soir, on sera en direct donc du El Patio. C'est en Picardie. Donc si vous voulez venir avec nous, le week-end démarrera demain vers 21h au Speed Park à Compiègne. Donc pour faire un kart et puis un laser game. Et puis vers minuit 30, on sera au El Patio pour faire la teuf toute la nuit. On va venir avec blindé de cadeaux. Il y aura Toff qui sera déguisé en lapin. Ça va être la folie, vous allez voir. Et puis vous allez pouvoir venir bouffer avec nous en VIP au resto également. Hein. Tout est payé. Hein, le kart, le laser game, le resto, tout ça. Donc si vous voulez venir, eh ben, y a de la place encore. Vous pouvez appeler Sandro maintenant. 01 42 48 5000, appelez-nous donc, aucun problème, vous serez les bienvenus, filles ou garçons, il n'y a aucun souci, vous m'appelez et on se retrouvera donc demain à en Picardie, hein, tout simplement, à Compiègne. Et dimanche soir, on fait l'émission en direct de chez un prof de match, Olivier, qui va venir avec tous ses élèves. On sera à Noyon, donc dans son salon. J'espère que c'est bien. J'espère aussi. Bon, Sandro passera à Serpillière au cas où, hein, s'il y a quelques petits problèmes, oui, elle passera l'aspirateur et tout. Ça va être parfait. Bon, on a également donc Sébastien. Oui. Bon, toujours là. Allô. Sébastien, en pleine forme. Toujours, toujours. T'as envie d'écouter un son là ce soir en particulier ou pas? Hey brother, hey brother. Bon. Comment tu, qu'est-ce que tu dis? Hey brother. Ah, c'est difficile l'anglais, hein. Alors, réessaye. Donc, Avicii, et quel titre? Hey brother. Oh putain, c'est quand même très dur d'arriver à le dire. Hey brother. Enfin bref, Avicii. D'accord, il y aura aussi, bah écoute, j'essaierai de te le mettre tout à l'heure avant la fin, promis. Il y aura aussi Britney Spears, Till It's Gone. Ça, t'aimes bien ça? Ouais, ça va. Bon, tu peux me dire non, hein, si t'aimes pas, y a aucun problème, hein. Je te le mettrai quand même, mais tu peux me dire non. Il y aura aussi Chucky, Skydive. C'est pas mal aussi. Ah voilà, et le nouveau Showtech. Découvert dans Party Fun, hein, tous les week-ends sur Fun Radio, l'émission numéro 1, le week-end, We Like To Party, ce sera donc Showtech, d'ici quelques minutes, donc restez bien avec nous, et puisque t'es là, bah ça tombe bien, on va faire la colle pour repartir avec la Xbox One, c'est la dernière en plus à gagner de la Xbox One, donc il va falloir être bon. T'es prêt Sébastien? Oui. Tu vas donc poser une colle maintenant, les auditeurs vont devoir jouer et tenter de découvrir quelle est cette colle, enfin quelle est la réponse plutôt, et ceux qui auront la bonne réponse, il faudra s'inscrire par SMS, Facebook, j'en reparlerai juste après ta colle, vas-y on t'écoute. Donc, lors d'une course de vélo, Pierre double le deuxième. Mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il? Alors, je répète donc, lors d'une course de vélo, Pierre, est-ce que c'est important le prénom? Non. Non, bon alors Pierre double le... On sait jamais. Pierre double le deuxième, mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il? C'est ça? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L, vous envoyez ça. Les 4 lettres, et Mickaël, suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique par SMS donc. Et puis si vous êtes vous n'avez pas de téléphone forcément par portée de main mais que vous avez un ordinateur, et bien vous pouvez aller sur le Facebook. Je vous mets la colle dans 3 minutes en ligne, donc vous allez pouvoir la lire, c'est peut-être plus facile pour certains. Facebook.com/Mickaël officiel. Avant minuit 30, on donne la réponse Sébastien et tu seras peut-être l'heureux propriétaire de la Xbox One. Je te souhaite bonne chance. A tout. Merci. À l'heure Sébastien, on répétera la colle de temps en temps encore. Très bien, bouge pas de là. Oui. Allez, bon bah comme ça vous savez tout pour gagner la colle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis je viens de voir un article également juste avant l'émission sur les raisons qui poussent les filles à coucher le premier soir avec un mec et comment dire, c'est assez étonnant. Non, ouais. C'est vrai hein. C'est super étonnant. Alors c'est-à-dire que donc le principe c'est on a une fille, rendez-vous le premier soir et qu'est-ce qui fait qu'elle couche avec le mec? Il est beau gosse. Bah non, parce que sinon tu coucheras jamais, Toff. Ouais, mais je couche rarement le premier soir. Hein. Ah, d'accord. Okay. Ouais, je dois batailler pendant 2-3 jours. Alors, la première raison, effectivement, c'est qu'elles ont pitié de Toff. Ah, ouais, si, mais ah, ça si. Pourrait, ça pourrait. Mais non, cela dit. Mais c'est rare le premier soir. Hein. C'est rare. Jours. Donc, la première raison, c'est parce qu'apparemment, il vous attendrit. Donc, il est là, il vous regarde, les filles, avec son air de chien battu. Bouffon, quoi. Il a mis son parfum, on voit qu'il s'est un peu. C'est alors que d'habitude, il est propre. Ouais. Il est sale, donc il s'est un petit peu. Il s'est brossé les dents, il s'est rasé, il a mis ses petits vêtements, etc., etc. Donc, du coup, on n'a pas envie de lui faire de la peine. C'est ce qui est dit en tout cas. Ah, la deuxième, c'est parce qu'il a tout payé. Donc, du coup, bah, vous avez pas envie de passer pour une ingrate non plus. Ça, c'est pas tough. Voilà, ça, c'est clair. La troisième, c'est parce que sinon, vous avez perdu une après-midi. Hein, perdu une après-midi à vous préparer, à aller chez le coiffeur, à vous épiler, à prendre des vêtements bien spécifiques, etc. Et que vous dites que finalement, vous avez quand même investi du temps. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Ouais, lui ou un autre, de toute façon. Voilà. Et puis, il y a aussi parce que c'est quoi? Parce que vous avez besoin de compagnie. Ça, c'est la pire. Même. Ah ouais. C'est la dernière, mais parce que vous avez besoin de compagnie. Ouais, ouais. Donc venez nous dire les raisons pour lesquelles vous avez accepté ou pas le premier soir, et surtout si vous l'avez regretté. Vous m'appelez maintenant les filles, 01 42 48 5000 02 851 4x0. Alors je pose pas la question aux mecs, parce que c'est vrai que les mecs en général sont jamais contre un coup d'un soir, et qu'en général ça se passe plutôt bien. Y'a que moi, j'en ai fait un coup d'un soir, c'était chiant. Bon après peut-être la fille était chère aussi, mais ça, mais voilà, donc moi je l'avais fait, c'était pas terrible. Et donc bah les autres, appelez-moi maintenant, les filles, les garçons aussi, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. T'as déjà fait un coup d'un soir toi Mehdi? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Jamais de coup d'un soir. Et toi Damien, t'as déjà fait un coup d'un soir? Ouais, d'accord, ça s'est bien passé. J'étais prêt à partir le matin. Attends, est-ce que tu peux t'acheter des meubles ou enlever le kit main libre? Acheter des meubles ça va être dur. Ouais. Enlever le kit main libre aussi parce que je sais pas. Ah, et le haut-parleur peut-être? Un peu moins grand, ouais. Comment? Ah, ou alors c'est peut-être parce que t'es dans une pièce un peu plus vide, ouais, c'est vrai. Donc Damien, ça s'est bien passé? Bah, à part que j'avais envie de partir le matin, mais. Ah, bah oui, mais ça c'est bien. C'est le principe du coup d'un soir, hein, c'est de partir le matin, effectivement, ouais. Et attends, et Sébastien, t'as déjà fait un coup d'un soir toi? Non. Non, bon d'accord, ok, très bien, voilà. Comme ça, ça résume les choses. Toff n'a jamais non plus, hein, je rappelle qu'il est puceau. Oui, je n'ai jamais fait l'amour de ma vie. Polo également. Je sais pas ce que c'est. Nous sommes une équipe du puceau, d'ailleurs, faut le dire. Non, mais c'est vrai, faut le dire. J'ai déjà baisé. Voilà, d'ailleurs, si une fille veut faire un coup d'un soir demain à Compiègne, ce sera avec plaisir. Bien entendu. Jérôme qui dit ravi de vous entendre, je vous kiffe. Merci Jérôme sur le Facebook. Aurore également qui dit coucou à toute l'équipe. Niveau vent, chez nous c'est horrible. Tempête, plus de courant, vide de la porte d'entrée éclatée, arbre couché et c'est que le début. Et chez vous ça va? Ah ouais, putain, c'est violent quand même. Bah écoute, ouais, moi je suis sorti de la radio tout à l'heure parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de vent, etc. Je suis sorti de la radio habillé, etc. Veste fermée jusqu'en haut. Ah rien. Mais rien, pas un peu de vent, c'est-à-dire que les arbres bougeaient absolument pas. Donc je me disais qu'ils avaient peut-être fait une erreur, mais visiblement non. Hugo Réo qui dit qu'est-ce que j'adorerais avoir une copine. Oh. Si vous pouvez m'en trouver une, ce serait cool. Ça va venir, Hugo Réo. Et Alan aussi qui dit je suis sur la route, ça me saoule ce temps de merde. Un petit message de bienvenue pour me remettre le sourire, avec grand plaisir. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Voilà, allez, continuez vos messages. On est toujours au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Et puis on se met le son de Britney Spears maintenant. Till It's Gone, les appels avec Toff dans quelques minutes. Retour avec Mehdi, avec Sofiane, avec Damien et avec Sébastien, juste après. I'm blind from the tears that fall like rain. So lost ever since you went away. Bien comprendre, Mickaël, nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Et aussi ça... Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Bref, le seul endroit où vous allez vous la kiffer, c'est sur Fun Radio. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, et on est là jusque 2h, justement, hein. Si vous voulez balancer vos messages, allez-y. Il y a Mélanie qui dit bonsoir à vous, vous déchirez, je vous kiffe. Merci Mélanie, toi aussi on te kiffe. Ça nous fait un nouveau si on te kiffe. Plutôt Hugo Réo qui dit mon rêve, c'est de serrer la main de Toff, quelle horreur, de Polo et Mickaël. Là d'accord, et faire la bise à Sandro, ce serait la chose que je voudrais le plus au monde. Oh so sweet Hugo Réo. J'ai dit à un mec qu'il devait écouter Mickaël No Limit de 21h à minuit sur Fun Radio. Il a répondu ta gueule, tu veux quoi gros porc. À vrai dire, je ne savais pas comment le prendre. Peace, je vous aime, c'est Loïc. Oui, en même temps tu lui as pas donné le bon horaire, hein, donc, c'est ça le problème. Parce que le dimanche c'est de 20h à minuit, la semaine c'est de 23h à 2h. Donc là sinon il va être perdu Loïc. Mais merci quand même pour la pub. Romain qui dit j'ai la grippe, ça me saoule, je suis couché, mais heureusement que vous êtes là pour me remonter le moral. Bah courage hein, Romain, t'inquiète, ça va bien se passer. Et Léa qui dit présente ce soir, mais pas à Compiègne. C'est trop loin. Oui, bah évidemment, vu comme ça, forcément. Donc on sera à Compiègne ce week-end, je tenais à vous le rappeler, évidemment. On va se faire les canulars aussi, hein, jeudi. Hein. Enfin, le canular, si vous voulez participer au canular, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, vous m'appelez maintenant. Et puis on va faire un canular tout à l'heure avant minuit. Il y a des casques DJ à gagner, ça vaut 200€. Et alors, il y a Kylian la semaine dernière, on va voir si vous osez appeler. Kylian la semaine dernière qui dit ouais, le canular était nul, vous auriez dû m'appeler, moi je vais tout déchirer. Ouais. Et j'avais dit la semaine dernière, souvenez-vous, bon, bah Kylian, puisque tu fais le malin, on va t'appeler. Et t'as intérêt à tout déchirer. On verra. C'est ça. On verra. On verra. Voilà, on verra. Kylian va appeler peut-être, on verra. Et puis s'il veut jouer, je vous demanderai d'être intransigeant avec, ouais. Avec lui. Hein. Évidemment, il a fait le malin la semaine dernière. Il y a un moment qu'il fait le malin. Fait le malin. Reste fait le malin. Et exactement, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. On parlait des coups d'un soir également, puisque je vous disais qu'il y avait une enquête qui était tombée, qui disait que, ben, il y avait. Comment expliquer. Il y avait des. Oh, j'ai oublié. Je reste mes mots, moi, ce soir. Oui, il y avait des raisons, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Quelles étaient. Qu'est-ce qui fait que. Quelles étaient la raison qui faisait que les filles couchaient le premier soir ou pas. Il y a la première raison, c'est parce qu'il vous a attendri. La deuxième raison, c'était parce que il a tout essayé. L'autre, c'était parce que sinon, vous avez perdu une après-midi. Et enfin, la dernière, c'était parce que vous avez besoin de compagnie. Et on accueille Claire qui est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Comment ça va ma belle? Ça va très bien. Bon. C'est bon de vous entendre. Et je vous écoute tout le temps. C'est vrai. Ouais. Et là, j'ai pris mon téléphone. Je me suis dit, allez, c'est parti, j'appelle. Eh bah, ben, t'as bien pour fait, t'as vu. Soir, mais comme quoi, hein, voilà. Hein. Eh ben voilà. Eh ben gros bisous à toi Claire. Ah, j'imagine qu'il n'y a pas de problème au niveau de la météo à Montpellier. Hein. Je pense que vous êtes pas en vigilance. De ce côté-là, pour tout te dire, on n'a pas à se plaindre. Très bien. Contrairement à la pointe bretonne qui est en vigilance rouge, c'est-à-dire que là ils se prennent tout dans la gueule les pauvres. Et ouais, puis après, paraît, ouais. Et puis après ça se calme un peu, enfin ça calme entre guillemets. Bah, et ça c'est la merde quand même. Pour te donner une petite idée, là je porte juste une petite veste en cuir et franchement à l'aise. Et tu es nu dessous. Tu es nous sous la veste en cuir. Mais comme toujours, voyons. Oh là, touche-toi, vas-y. Claire, combien mesures-tu? Tu veux que je fasse un baiser à la coque? Je fais 1m77. Combien j'adore. Combien pèses-tu, Claire? Je fais 62 kilos. Oh là là, quel est ton tour de poitrine? 95 T. Oh là là. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 36. Et alors, évidemment, Claire, tu n'es pas venue nous voir quand on était à Montpellier, je parie. Mais si, j'étais là en plus. Ah bah alors. Mais par contre, j'ai vraiment un énorme défaut. Je chausse quand même du 41. Et alors, c'est pas grave, c'est parfait. Attends, mais c'est pas grave, c'est parfait pour botter le cul de teuf. Non mais c'est parfait pour ça. Bon, alors Claire, bon toi tu nous appelles parce que coup d'un soir, comment ça se passe chez toi le coup d'un soir? Alors, parce que coup d'un soir, écoute, avant j'étais plutôt adepte des coups d'un soir, enfin adepte, je suis pas une grosse cochonne non plus, hein, faut pas abuser. Non, une moyenne. Mais une petite, allez. Ah, une petite. Une petite moyenne. Une petite moyenne, très bien, ça ne veut rien dire, mais on adore. Une fois sur deux, ça m'est arrivé une fois sur deux pour un rencard. Bon, voilà, c'est déjà pas mal, allez, vas-y, c'est continue. C'est déjà pas mal, voilà. Et donc depuis, j'ai arrêté depuis un certain mec qui s'appelle Hugo, voilà. Hugo, ouais. On s'était rencontrés donc sur Adopte un mec, voilà. Oh là là. Et oui, bah je sais, ça va. Hein. Mais d'ailleurs, je suis en train de lancer un nouveau site, Adopte un con avec Toff en effigie. Mais oui, mais bien sûr. Mais ce serait parfait. Mmh. Et donc on a vraiment pas mal discuté, une super entente informatique en tout cas, on s'est téléphoné. Une entente informatique. J'ai eu des mails où on se marrait bien. J'ai une relation numérique. Ouais. Non, mais ça a duré très peu de temps, voilà. Et donc finalement, donc sur les photos plutôt canon et tout, donc bon, bah je vais au rendez-vous. Ça se passe super bien, on prend un verre, c'est un mois après on va au resto, on finit par un ciné, enfin vraiment une bonne soirée quoi. D'accord. Et donc du coup, ben, vraiment pour le coup, j'étais sous le charme, donc je me suis dit bon ben pourquoi pas, le mec il me raconte un peu sa vie. À défaut d'être sur le cul. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, est arrivé l'instant fatidique où il m'a fait le coup du petit lapin du Rachel, quoi, comme on en a parlé il y a 2-3 jours, là vous en aviez parlé. Ouais. Et c'était juste affreux quoi. C'était juste affreux et j'ai stoppé net, j'ai dit non, ça va pas être possible là, et j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Et tu t'es barrée, depuis ça t'a dégoûté? Ah bah depuis ça m'a complètement dégoûté et j'attends un petit peu, je vais essayer de pas brûler les étapes, d'abord de l'embrasser, voir comment ça se passe et tout, avant de finir complètement chez lui, nu sur son lit. Parce que franchement, non mais c'était affreux. C'était si tu veux finir nu dans le studio, par contre tu peux venir. Hein, nous, quand tu veux. Ça fait un petit peu loin quand même pour le coup. Oui, c'est vrai, mais c'est dans le détail tout ça là. On chipote pas dans le détail. Mais quand même, Mickaël, je voulais te dire quand même que je te trouve très très beau. Oh, je te remercie. Voilà, je voulais le dire. Voilà, merci Claire. Et que penses-tu de Toff, la tête? On dirait de la merde. Hein. Je suis obligée de répondre. Sois franche. Non, il a son charme. Il a son petit charme. Ça veut rien dire, ça. Ouais, je me défile. Ouais, il a son charme. Une meuf te dit ça veut dire qu'elle veut pas dire que t'es moche. Voilà, ouais. Oui, non, il a du charme. Non, mais tu as. Il est gentil, quoi. Voilà. C'est encore pire. Mais écoute, vraiment, je trouve que tu as très bon goût, Claire. Permets-moi de te le dire. Oui, tu trouves? Oui, parfaitement. Parfaitement. Bon, ben merci, Claire, d'être passée. Je te fais des bisous. Avec plaisir, gros bisous à toute l'équipe, passez une bonne soirée. Attends, bouge pas Claire, attends. Je suis tombé, j'ai une grosse nouvelle également. Alors ça c'est surtout pour Toff ce soir parce que j'ai trouvé un nouveau plan pour qu'il puisse faire ses appels à la con là. Hein. Ah. Mais ouais. Du coup, on parle de c'est une info sur laquelle je suis tombé sur les filles qui s'épilent intégralement. Eh bien, tu t'épiles comment toi Claire? Intégralement toujours. Eh bien apparemment c'est fini, les hommes veulent du poil. Oui, bah c'est ça. Ouais, voilà. Ah, moi je déteste ça. Hein. Pour le coup, je n'ai pas fait partie du sondage, mais bon. Donc, apparemment, 43% des mecs. Bah je sais pas. 43% des mecs préfèrent au naturel, hein, genre forêt vierge. 17% préfèrent le ticket de métro. 15% une forme en cœur. Oh là là. Et 12% l'intégrale. Bah je fais partie des 12% donc. Eh bien écoute, bienvenue. Voilà. Donc clairement. Et donc venez nous dire hein, ce que vous préférez les filles déjà. Eh bien ça me paraît quand même énorme, hein, 43% là. 43% de mecs qui préfèrent les poils, c'est. Ouais. Dites-nous aussi les mecs, et puis on va faire les appels avec Toff dans quelques minutes. Mais avec plaisir. Bah très bien. Bon ben merci beaucoup Claire d'être passée. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, à bientôt. Je t'embrasse. Salut Claire. Salut. Allez, ciao. Bon bah parfait, on va faire de nouveaux appels avec Toff. Eh oui, ça c'était hier, là, souvenez-vous, on était au top là. Oh là là, on était plus qu'au top hier soir avec le nouvel ami que Toff a rencontré. Ta maman, elle a un cocu, ta sœur. Attends, je vais le remettre. Ta maman, elle a un cocu, ta sœur. Ta sœur. Ta maman, elle a un gros cul, ta sœur. Alors évidemment, il avait été un petit peu plus violent également. Hein. Ok, mais c'est pédé. Voilà. Vous êtes pédé ou combien? Je pense que vous êtes un gros PD, Massissi, voilà. Donc on fera d'autres appels ce soir. Si vous avez des numéros de téléphone intéressants là, de gens debout encore à cette heure-ci, comme d'habitude, vous envoyez tout ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et puis on va les appeler en direct dans quelques minutes. Donc j'attends tout ça avec impatience. Retour avec Mehdi également. Mehdi qui nous avait appelé cette semaine pour nous dire que sa mère démarrait au quart de tour et que bah c'est un peu contrariant quoi, puisqu'elle était prête à casser la tête des gens à chaque fois qu'il y avait un truc qui la contrariait. C'est toujours le cas hein, Mehdi? Ah oui, toujours le cas. Ah oui. Et donc du coup t'avais dit qu'elle détestait Toff. Alors que moi je l'aime. Voilà. Alors ce que je propose c'est qu'on l'appelle pour le premier appel ce soir. Hein. On va l'appeler pour lui demander au niveau de l'épilation. Je pense que ça peut l'énerver, non? Absolument. Parfait. Alors ne bouge pas. Nous allons faire ça dans quelques minutes. Mehdi, reste avec nous. Sofiane également, qu'on a eu hier soir et qui voulait se réconcilier avec son frère. Sofiane? Oui. Très bien, Sofiane qui est donc là. On avait laissé un message sur le répondeur de ton frère parce qu'on n'arrivait pas à le joindre hier soir. Et donc on a dit qu'on l'appellerait plus tôt ce soir. Donc on va l'appeler dans quelques minutes. T'as eu des nouvelles depuis ou pas? Oui, on s'est rediscuté. Ah bah pratique, tiens, ça va être très pratique. Bon, et bah écoute, on va l'appeler dans un instant après le son de Chucky, ça te branche, c'est bon? Ok. Parfait, Chucky c'est Skydive sur Fun Radio et c'est maintenant. Bouge pas, Sofiane, on va revenir avec toi dans quelques minutes. C'est parti, il est 23h25, bienvenue si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit, on est en direct tous les soirs, le jeudi également, de 23h à 2h du mat. Et puis toute la semaine de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est là sur Fun Radio 23h28, il y a Xavier qui envoie un message, tu peux passer Ibra avec Vicious. Merci à vous, changez rien, je vous adore, courage demain ou El Patio avec Jean-Pierre Sauzère, gros bisous à Sandro. Ouais mais ça ira, on va se marrer demain. D'ailleurs ouais. Venez nombreux hein, au El Patio, hein. On sera donc à Compiègne demain, 00h30, avec plein de cadeaux. On sera juste avant vers 20h au comment ça s'appelle? Au Speed Park. Au Speed Park, voilà, alors on va faire un petit karting et on va se faire également un petit laser game si vous voulez jouer avec nous ou contre nous. Et bien n'hésitez pas, venez, on va pouvoir jouer gratos également, on va se faire des équipes fun, on va se faire de l'équipe de l'émission, etc. Vous appelez Sandro maintenant si vous voulez venir avec nous, 01 42 48 5000. Il y a Wilfried qui dit on a l'habitude des tempêtes chez nous, mais on tient bon contre vents et marées. Et ben bon courage à tout le monde, effectivement. Mystique qui dit quelle horreur, jamais je pourrais me laisser pousser les poils, c'est juste pas propre. Ouais, c'est assez dégueulasse. Hein. Canvant aussi qui dit moi non plus j'aime pas les poils sur les filles, ma copine a horreur de ça. Et Gwen pour merci pour le soleil que vous nous amenez avec ce temps de merde. Oh ben c'est gentil, oh. Gwen. Et Mickaël aussi qui dit moi aussi je fais partie des 12%, la tarte aux poils c'est pas pour moi. Mais c'est ça, c'est dégueulasse. Mais oui. Et apparemment c'est un sondage en bois, c'est pas possible. Hein. Bah, je sais pas. C'est naturel le poil. Ouais, déjà. C'est vraiment bizarre. C'est pas la première fois que je dis ça, hein, que justement c'est le retour du poil. Ah ouais, mais moi je trouve ça dégueulasse. Hein. Bah, même non, vraiment peu porno, pour moi. Même dans les films porno, les meufs maintenant elles commencent à avoir des poils un petit peu, mais. Je pourrais pas. Burk. Bon, on fera le top Twittos aussi tout à l'heure. Continuez à lâcher un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Et si vous êtes classé dans le top 5 et que vous êtes 4ème ce soir, vous repartirez avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas. On va également se faire les appels hein, avant de faire l'appel au frère de Sofiane. Mehdi qui est avec nous, sa mère qui part au quart de tour. Eh ben, ce que je propose, c'est que Toff l'appelle directement là pour lui demander comment ça se passe en termes d'épilation. Allons-y. Bah voilà, ça me paraît pas mal, Mehdi. Ah oui, pas bon, mal. Bon, allez, bouge pas de là, on l'appelle en direct. Et puis bah si jamais elle décroche pas, on a prévu d'autres numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, hein, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on appelle en Algérie maintenant, chez la mère de Mehdi. Oula. Oh oui, le téléphone est bizarre en Algérie. C'est le vent. Oui. C'est quoi ce son? Bon, enfin. Il y a de la friture. Ouais. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais... Pardon? Allô? Oui, je vous entends. Oui, voilà, je voulais savoir comment votre mari aimait que vous vous épiliez, madame. Comment quoi? Comment est-ce que votre mari il aime que vous vous rasiez la chatte? Comment je fais quoi? Bah comment est-ce que vous faites Attends, on va la rappeler, je crois qu'elle a raccroché. Attends, en même temps ça nous arrange parce que vu le son était dégueulasse. Oh là, Mehdi, c'est quoi ce son là sur le téléphone de ta mère? Ah, ça a mieux là. Attends, attends, Mehdi. Oui, allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ouais, il y a problème de réseau. Ah, voilà, c'est ça. Non, en fait, je voulais savoir, donc, comment votre mari, il aime que vous taillez le buisson? Ah, d'accord, c'est pareil comme toi, comme tu tailles ton trou du cul. Ah non, mais je vois pas le rapport, madame, parce que moi, on parle de comment il aime votre mari. Bah, mon mari, il aime comme il aime, ça dépend, hein. Ah, d'accord, mais il aime plutôt rasé ou avec des poils? Comme toi, en trou du cul, quoi. D'accord. Pareil, ouais, ensemble. Parce que moi, je laisse les poils dans mon trou du cul, mais... Bah, c'est pareil pour moi. Hein. Ah ouais, donc vous laissez la forêt vierge? Ouais, comme ça. D'accord, comme ça, tranquille. Ouais, tranquille. Bon, d'accord. Eh ben, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Voilà, une bonne soirée. Merci à vous de même. Mais elle est gentille, ta mère, là, Mehdi, qu'est-ce que tu nous racontes, là, depuis tout à l'heure? Vous avez pas posé la bonne question, il faudrait une question qui énerve, quoi. Qu'il est né, bah repose à celle d'hier, c'était quoi encore hier là c'est avec un gros cul. Est-ce qu'elle a un gros cul? Ouais, mais pour je le pas, cul. Je pas, voilà, je pas... Si tu la rappelles, tu dis excusez-moi. J'ai oublié. Est-ce que vous avez un gros cul? Attends, on va la rappeler, on va la rappeler, ouais, on va la rappeler. J'avais un rappel sur mon, ouais, mon agenda. Non, ou alors tu la prends pour une conne, tu dis mais j'ai jamais appelé. Oui. Bah non, je vous ai jamais appelé. Ah oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez un gros cul. Ben, le jour où je chierai sur ta gueule, ta tranche de rat, tu verras comment il... Ah, il avait raison. Mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça, madame. Ben, comme ça, c'est une réponse à votre question. Bah non, ça répond pas, parce que moi, ça me dit pas si vous avez un gros ou un petit cul, madame. Oui. Voilà. Et donc, vous avez le un... jour, c'est ça, le jour où je vais chier sur ta gueule... Oui. Surtout au moment en crise d'une diarrhée très aiguë, vous verrez le volume de mon cul. D'accord, mais parce que du coup, c'est parce que vous avez un petit cul en fait et que vous n'êtes pas très intelligente que vous me dites ça. Bah, ça dépend de l'oreille qui entend ce que je dis. Ah oui, c'est très philosophique ça. Non, mais parce qu'en fait, il y a une étude qui dit que les femmes qui ont un petit cul, elles sont pas très intelligentes et celles qui ont un bon cul, un bon gros cul, elles seraient plus intelligentes. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait chez vous, quoi. Bah, justement, c'est quand tu recevras la diarrhée que je vais déposer sur ta gueule, tu sauras qu'elle a le volume de mon cul. Qu'il est vraiment, vraiment gros. Ah oui, donc vous êtes plutôt intelligente comme femme. Bah, ça dépend. Ah oui, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de la personne avec qui je discute. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Oui, d'accord. Oui, parce que moi, vous... Voilà. Je peux pas discuter avec mon intelligence, avec quelqu'un de con. Oui, d'accord, évidemment. Oui, je comprends, voilà, évidemment. Il va rien comprendre, on entend, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais je comprends. Bon, voilà. Bah écoutez, je vous remercie, madame. C'était très gentil d'avoir répondu à ma question. Il n'y a pas de souci. Voilà, hein, je vous rappelle à l'occasion. D'accord. Voilà, bonne soirée. Bah ça va, hein. On a connu vachement plus trash, Mehdi. Hein. Non, mais on va quand même garder son numéro, on la rappellera à l'occasion. Oui, avec des questions plus... Ouais, je pense, ouais. Bah merci, Mehdi, pour le numéro de téléphone, mais on va quand même le garder. C'est gentil, merci à toi, Mehdi. Merci. Salut, Mehdi. Allez, ciao à toi et tu reviens quand tu veux. Là, on va récupérer Sofiane maintenant. Sofiane, t'es là? Oui. Bon, allez, c'est parti. On va faire d'autres appels évidemment tout à l'heure, hein, avec Tov, bien sûr. Si vous avez des numéros à nous envoyer, n'hésitez pas. toph@funradio.fr. Sofiane, je confonds tout le monde maintenant. On va donc appeler ton frère. Tu nous avais appelé hier parce que tu t'étais embrouillé avec lui. On avait essayé de l'appeler, c'était le répondeur. On avait laissé un message sur le répondeur. Et bah, qu'est-ce que t'as rien trouvé de mieux à faire aujourd'hui que t'embrouiller de nouveau avec lui? Je sais pas. Bah si, c'est ce que tu nous as dit. Hein. T'as dit que tu t'étais fait quand t'avais nouveau embrouillé. Bon. Ouais. Écoute, on l'appelle, hein, vas-y, hein, Sofiane, hein, va droit au but, mec, hein, Sofiane, hein, fonce. Allez, c'est parti. Le but, c'est de t'excuser, hein, pas de l'engrainer. Hein. Bon, il y a encore le temps avant la pub, on fera encore un petit appel avec Tof. Ouais, allô, ça va? Je t'aime. Oh, les ringards. Non, c'est trop mignon. Je l'aime, c'est Mickaël. Mais oui, Brahim. Et dis donc, Brahim, et quand ton frère il t'appelle, tu dis oh, je t'aime. Oh, c'est mignon. Hein? Ah non, parce qu'en fait, laisse tomber, c'est un délire avec une meuf. Parce que tu pensais que c'est une meuf qui appelait? Ouais, c'est ça. Et comment ça peut... C'est quoi ce rire de merde là, Tof? Tu vas arrêter ça directement. Ouais, mais on a l'habitude avec ça. Ah bah ouais, je confirme. Bon, Brahim, il s'est passé quoi avec ton frère là? Ouais, j'ai pas envie de parler de mon frère là. Ah bah si, il est là, il est là. Sofiane. De quoi, Sofiane, il est là? Sofiane. Allô. Bon, allez, parle à ton frère. Il t'aime en plus, il a déjà dit ça au début, donc tu vois. Non mais j'ai pas envie de lui parler. Mais si, ah, si Ibrahim. Allez bro, vous êtes les meilleurs frères, les meilleurs frères du monde. Non mais bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est un vrai, je parle, vaut mieux je parle pas, c'est mieux je parle pas, voilà. Bon allez, t'as qu'un seul frère, enfin je suppose. C'est un chétan, c'est un diable. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, Sofiane, qu'est-ce que t'as pu lui faire pour qu'il soit vénère à ce point-là? Bah, il a pris une full scène tout le temps et tout. Bon, allez, Sofiane, excuse-toi. Ouais, je m'excuse. Ah, tu vois, Brahim. Mais tu recommences plus. Ouais, ben voilà, mais nickel, tu vois, ça a si simple et tout, il va s'excuser tout de suite, et dans, je sais pas, moi, 15 minutes, il va refaire ça, ou demain, il va refaire ça, tu vois, à la fin, au début, je lui laisse plusieurs choses, mais à la fin, tu vois, il faut pas prendre les gens pour des cons. Ouais, alors, mais bon, écoute, mais il est plus jeune que toi, Brahim, tu dois lui montrer comment ça marche la vie. Sofiane. Oui. Si jamais j'apprends que t'as encore foutu la merde, je te rote à la gueule. Un petit coup de pelle. Ah ouais, quand même. Et je te mets ça aussi dans la gueule. Un coup de pelle, ça te remettra les idées en place. Bon. J'ai trop mal. Oui, tu n'imagines pas ce que ça va être après. Quand je serai vraiment énervé. Mickaël, ça tombe bien, tout à l'heure, en fait, j'ai appelé pour passer à la radio. Eh ben, ça tombe bien, tu veux dire quoi? En fait, tu vois, je suis sorti avec une... Enfin, je suis pas sorti, tu vois, j'ai rencontré une fille à la patinoire. Oh, c'est la qui t'a dit je t'aime? Non, pas du tout. Ah merde, content, tiens. Ouais, et donc? Et donc, on a, on va dire, une aventure vite fait, tu vois, et... Un coup d'un soir? Ouais, elle m'a dit que tu fais le bon sexe friend et tout. Ouais. Et du coup, je dis, vas-y, si tu veux. Elle m'a dit, on s'entend bien et tout, et j'ai dit, d'accord. Et du coup, alors, on a couché ensemble et tout, le premier jour. Coucher ensemble, Sofiane, ça veut dire qu'ils ont dormi ensemble, hein. Ah oui, je suis pas bête. Non, bah alors voilà, tu vois, au moins, comme Sofiane, ça, moi, t'es au courant. Sofiane, il est plus ça, Sofiane, je te le dis. Ah bon? Ah putain, ouais. Il y a des maritons, là, Sofiane. Hein. Bon, bah parfait, alors j'ai rien dit. Donc, ils ont baisé ensemble, très bien, et après? Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passait? Les 4 semaines après, on se revoit, et toi, elle me fait montrer les tests de grossesse et tout, elle est enceinte. Non, t'es sérieux? Putain, tu vas être tonton, Sofiane. Ouais. Et on est bon là ou pas? Non mais je crois pas. T'es cool quoi? J'ai pas du tout envie de rire, je te jure. Mais non mais Brahim, Brahim, tu sais quoi? Je vais pas te dire bien fait, parce que ça se fait pas, mais t'as qu'à mettre une capote, espèce d'idiot, va. Mais écoute, j'en ai mis une. Tu sais comment ça peut être galère d'avoir un gosse, et toi, tu mets la capote, elle craque, en plus c'est pile poil au moment où elle ovule, et paf. Mec, je joue au loto. Je me dis quoi, je me dis à ma piégée, tu vois, parce que j'en avais ramené. Elle me fait non, moi j'ai les miennes à la fraise, c'est meilleur. Je fais bah si t'insistes. Ah bah à la fraise. Et tu vois, je me dis, tu vois, comme elle arrête pas de marteler et tout, je me dis, elle a fait des trous là-dedans et tout. Non, mais attends, elle est pas complètement stupide. Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir un gosse à 15 balais? Écoute, je te jure, déjà une scène bourge quand je te dis la thune, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est pour ça qu'il est rempli de thune. Non, mais attends, mais alors quel est l'intérêt pour elle de te piéger? Ce serait plutôt toi qui devrais la piéger alors. Mais qu'est-ce que j'en sais, tu vois, elle m'appelle tout le temps, je lui dis ouais. Bah elle est love. Début, bah oui, elle est in love. Mais écoute, au début, tu vois, je lui dis ouais, d'accord, on va surmonter, on prend les cons, on va aller et tout, on va aller avorter et tout, on va prendre les visites et tout, et après, attends, j'entends rien parce que tu parles avec le téléphone dans la gorge. Je t'ai dit, tu vois, je lui dis on va surmonter cette épreuve et tout, et on va aller avorter. Ouais. Et elle me dit quoi? Elle me dit écoute, viens chez moi. Alors du coup je vais chez elle et tout. Elle me fait montrer de la thune à son père, mais là dans un coffre avec plein de thunes et tout. Elle me dit on se barre d'ici et tout, on va vivre ailleurs, nous. Mais quel est le rapport avec le gosse? J'ai rien compris, t'es en train de tourner. Parce qu'il veut, je pense que la meuf elle veut qu'il parte à deux et qu'il se barre avec la thune du daron. À 15 ans, mais oui, bah bien sûr. Bah, c'est une bonne idée, tiens. Franchissez la frontière mexicaine. Ouais, faites le tour du monde, c'est pas mal. Mais bien sûr, évidemment. Bah cela dit, Brahim, c'est plutôt une question pour Lovin Fun, ça, Brahim, pour le coup, hein, parce que bon, moi après les moutards et tout ça, je suis pas au taquet là-dessus, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te repasser Sandro pour que tu passes là-bas, d'accord? Ouais, d'accord. Au moins, tu seras plus à même, ça. Voilà, tu seras plus aiguillé plus facilement en tout cas. Bon, Sofiane? Oui. Bon, t'as intérêt à pas faire le malin avec ton frère, t'as compris? Ouais. Bon, je compte sur toi. Hein. Ouais, et ça vous dérangerait pas, comment je peux vous expliquer? Je rappe un jour, pas aujourd'hui. Parce tu que rappes un jour, tu rappes toujours, t'inquiète mec. Okay, trop. Je te dis bonjour. Ouais, t'as vu. Bon, et ça nous dérangerait pas de quoi? Parce que moi je rappe et je veux rapper à l'antenne, vous voyez? Tu veux rapper à l'antenne? Vous voyez? Ouais. Et je vois bien, ouais, mais et quoi, tu veux improviser là? Non, c'est moi qui ai écrit mes paroles. Ah, et non, t'as intérêt à être bon parce que sinon on se fout de ta gueule, nous. Ah, bah je te confirme, ouais. Bon, bah écoute, tu vas. T'as tout prévu là? T'as déjà un truc? Tu peux faire ça tout de suite là? Vous avez une instru parce que je peux rappeler sur tous les instrus. Bah, bien sûr. Bon, là. Vas-y. Non, je crois pas, là. Non. Bah, mec, t'as dit je peux rapper sur tous les instrus. Vas-y, Sofiane. Vas-y, mec. Non, vas-y. Pas celle-là. Ah, bah, mec, vas-y. Non, pas celle-là, un truc qui m'aime bien. C'est une instru. Bah, c'est une instru. Ouais, tu t'es engagé, mec, t'as dit tous les instrus. Bah, t'as voulu, hein. Bon, ouais. Alors attends, je vais voir sur autre chose. Tu dois savoir le faire. Bah, évidemment. Alors attends, je vais essayer de te trouver autre chose. Vas-y. Hey, je suis pas un rappeur classique. Vas-y. Bah mec, un rappeur classique. Bon attends. J'ai ça. Attends. MC Mozart. Attends. Et DJ Beethoven. Hey, je suis pas en années 70. Hein. Attends mec, ça c'est de la hard tech. Non mais moi je suis pas hard tech, moi. Bah oui mais mec, écoute, je suis désolé, moi j'ai pas je pense que c'est pas grec, hein. Attends, mais c'est pas de la musique grecque. Bon, écoute, je vais essayer de trouver un truc. Attends, et tu veux quoi concrètement? Parce que tout ce que je te propose, t'en veux pas. Un truc qui fait genre un truc comme ça là. Un truc comme ça, tu vois. Bon, alors écoute, ce qu'on va faire. Attends, parce qu'on va te mettre un truc là, ce sera plus simple parce que si je dois ouais, parce que je vais mettre un truc, tu vas voir, mais n'importe quoi, je rappe surtout. Ouais, bah, on l'a bien vu, ouais. Tu m'as déçu, Sophie. Ah ouais, Sophia. Attends. Bon, allez, vas-y. Ah ouais, quand même. C'est un instru. Vas-y. J'ai mangé une pomme. Écoute. Allez, vas-y. Dans ma tête, c'est le désordre. Il paraît que je fais plein de soucis. Je reste avec les moyens du pain. Triste, gâché, je suis pas méchant, mais je suis hostile. Posé à écrire des textes. Un ami, on en a qu'un. Des ennemis, on en a plein là où je traîne la concurrence. Père, aujourd'hui, faut sauter. Prends de traite dans ma vie. Ne me sers pas la main sans crainte derrière mon dos. Ça mérite de t'éclater. Pourquoi tu critiques? Moi, j'aime pas parler de ça. Tu me connais, je parle pas à ceux qui trahissent. Désolé, mon Dieu, je te trahis. Les ennemis, je suis obligé de faire ça. Ici, au studio, ça prend la grosse tête. Tu vas chanter, crois pas que tu vas faire une fête. Je suis pas du genre à parler avec des prêtres. Parle pas avec moi, car les nuits tu vas l'être. Quand t'as le visage de l'un. Quand t'as le visage de l'un, comme le dit Soprano, te rapper des nuls, gros. Commence pas à croire que t'es bon, gros. Te rapper des. Te rap, je les changerai d'un contre des femmes. Arrête de me porter l'œil. Oh là, tu m'as tué là. Rigole. Enchaîne, c'était bien là, Soprano. Continue. Arrête de me porter l'œil, je te dis salam alaikum. Quand tu me vois, t'es ton soum. Arrête de faire le malin, tu tomberas dans le ravin. Route des craves, dans ta cave avant. T'as pas des clics, que ça descend. Arrête. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon on va barder. Et aussi ça... Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Bref, le seul endroit où vous allez vous la kiffer, c'est sur Fun Radio. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est sur Fun Radio, là, bienvenue, c'est parti, il y a plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure à partir de 6h du mat. Bruno dans la radio, bien sûr, 6h, 9h30, histoire de bien vous réveiller. Et puis je vous rappelle également qu'on sera en Picardie tout le week-end. Demain on démarre à partir de 21h, on sera au Speed Park à Compiègne pour faire karting, laser game. Et puis vers minuit 30 au El Patio pour faire la teuf, hein, toute la nuit avec plein de cadeaux. Toute l'équipe sera là, Toff sera déguisé en lapin. On aura Jean-Pierre Sauzer qui va nous faire un mini-concert, rassurez-vous, deux titres. Donc, donc si vous voulez venir faire la teuf avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et surtout si vous voulez venir faire un kart, un laser game et un petit resto gratos, je vous invite, vous appelez maintenant 01 42 48 5000. Appelez le standard de Fun, il y a Sandro qui décroche et puis bah vous voilà, vous appelez, vous venez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir avec vos potes sans aucun souci. Et puis dimanche on fait l'émission entre 20h et minuit en direct de chez Olivier à Noyon en Picardie également. Donc là aussi vous êtes les bienvenus, il y aura un cadeau aussi, enfin il y aura des cadeaux à gagner d'ailleurs. Et puis il y aura les élèves du prof de maths qui seront là. Bref, ça va être la folie totale. On va se faire le canular dans quelques minutes également avec notre ami Kylian a priori. Et puis on va s'écouter le son que je vous avais promis tout à l'heure, le son de Showtech sur Fun Radio. Je vous l'ai promis, il va passer dans quelques minutes donc. We like to party. Ce sera Showtech dans un instant sur Fun Radio. Bon bah bienvenue, il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Margot qui dit Mickaël, à blanc c'est mieux qu'avec des poils, parce que lors d'un cuni ou d'une fellation, t'as pas de risque d'avoir des poils dedans. Des poils ou dents, mort de rire. Non mais c'est vrai en plus Margot hein. Quentin qui dit mort de rire, bande de bâtards avec Sofiane là. Valo qui dit perso je trouve que Sofiane est plutôt bon en rap. Ouais c'est vrai, mais surtout avec avec cette musique là non. J'adore. C'est vrai. Bienvenue en 1920. Hey, bienvenue. Off, voilà, donc c'était plutôt sympa. Il y avait Hicham également qui dit énorme le changement d'instru, ça casse tout. Manon qui dit quel rap de ouf là. Sissi, la famille. Larry aussi qui t'offre un rire de chèvre. Ah bah franchement, ouais, vraiment, pour le coup, ouais. Gwenel qui dit j'aurais trop aimé venir, mais je taffe samedi. Bah ça tombe bien, Gwenel, on sera là vendredi et dimanche. Donc tranquille, Gwen, ouais. Tu peux venir. Morgane qui dit à les poils, c'est dégueu. Il y a même des mecs qui ressemblent à des gorilles. Et puis le rire de Tarlouse de Toff, mort de rire, c'est Florian qui avait envoyé son message. Ah oui, là, pour le coup, effectivement, il n'a pas tort. Bon, on va parler des coups d'un soir encore avec Stéphanie qui est avec nous là. Bonsoir Stéphanie de la Corrèze, de Brive-la-Gaillarde. Comment ça va, Steph? Ça va. En pleine forme? Tranquille, tant mieux. Bienvenue à toi, Steph. T'as 26 ans, toi. Et tu voulais parler, oui, des coups d'un soir, puisqu'on en parle. Hein, donc, pourquoi est-ce que vous feriez un coup d'un soir, les filles? C'est pour pas faire de panneau, mec? Ou alors parce que le mec s'était bien apprêté, que ben du coup il vous fait une petite tête comme ça de petit lapin. Ouais, c'est ça, de Calimero avec son œuf sur la tête, etc., etc. Bref, il y avait quatre excuses. Et toi, dis-moi, Stéphanie, as-tu déjà pratiqué le coup d'un soir? Si oui, comment ça s'est passé? Voilà, pas souvent, moi une fois ou deux, et à chaque fois c'était parce que le mec que je voulais en fait m'avait jeté, donc pour me réconforter, j'en ai pris un autre quoi. Ah, ça ouais. C'est une bonne raison aussi. C'est pas mal. Il y en a pas un qui t'a jeté là? Non. Ah d'accord. Donc c'est Toff qui voulait savoir. Ouais. Bon enfin c'est pas grave, combien mesures-tu? Bon bah si alors. Ah. Combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Oh, ah ouais, petit ouais. Format, mais gros nibard. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oh là là. Ah merde, attends une seconde, là, j'ai plus la musique, le qu'est-ce qu'elle est bonne. Enfin, si, je l'ai encore, mais je suis en train de mettre mes petits sons. Là. Ah oui, effectivement Stéphanie, oui, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un mec t'as pas réussi à voir le mec que tu voulais. Bah non, je comprends pas non plus hein. Parce qu'avec des mensurations pareilles comment te dire? Voilà, ah oui. C'est pas grave, j'aurais trouvé d'autres pour me réconforter hein. Bah oui, non, bah bien sûr, évidemment. Mais c'est pour lui. C'est un peu la dernière truc hein, c'est pour pas être, enfin pour avoir de la compagnie quoi, pour pas être seul. Oui, c'est ça, c'est un peu ça effectivement, ouais. C'est pour voilà, avoir pour se rassurer un peu. Ouais, c'est ça, pour dire pour, je pour peux séduire. Exactement, voilà, exactement. Bon, et t'as kiffé quand même le coup d'un soir dans l'absolu ou pas? Pas spécialement. Pas spécialement. Bah ouais, mais en fait t'as couché avec Toff, c'est pour ça que t'es déçu. Bah non, justement. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'as envie de coucher avec Toff? Bien sûr que si. Oh, mais quelle horreur. Non mais Stéphanie, t'es sérieuse là? Mais c'est Stéphanie sur Twitter. Mais alors, c'est pas une excuse? Bah tu le sais bien. Mais enfin, mais comment est-ce qu'on peut avoir envie de Toff? C'est le plus gros enculé de la Terre. Il est sale surtout. En plus, il a pas de forme, son corps ressemble à rien. Non mais Stéphanie, quoi, dans quel monde tu vis? Mais t'es vraiment une bouffonne. Oh là là, Stéphanie, sans déconner. Stéphanie, je suis désolé. C'est mon amour. Stéphanie, je peux pas. Je ne peux pas. Non mais je ne peux pas. Pendant 11 heures je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Voilà. Non mais il y a un moment c'est pas possible. Je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Bah voilà, je pense que tout est dit en effet, oui. Bon, il y a un message. Il y a un message de Christophe qui dit intéressant les mensurations de Stéphanie. Let's be free qui dit pourtant autant de méchanceté envers mon Toff Inou. Oh. Moi je t'aime Toff, tu es parfait à mes yeux. Oh, oui, à tes yeux, non mais. Alors attention, il y a deux choses différentes. Non mais attention, qu'elles disent tu es parfait à mes yeux, voilà. C'est totalement différent. De j'ai envie de coucher avec Toff. Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que l'ex-Bifrix elle a pas envie quoi. Franchement, en vous. Non, j'ai une connerie. J'ai rien dit, autant pour moi. Hop, je peux mettre une patate dans la gueule s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Hop. Voilà. Merci. Mais le pire, c'est quand tu préviens toutes les filles comme on fait, parce qu'on est quand même des Robin des Bois avec Polo. Ouais. Donc on prévient les meufs que Toff c'est quand même un parasite et qu'il va se foutre de votre gueule. Mais non, tu sais que quand je vois des meufs sur Twitter dire oui, mais c'est pas grave, je vais quand même tenter ma chance, je suis sûr qu'avec moi ça ira. Ouais. Bah non, ça ira pas en fait. Non, bah, parce que vous êtes la millième déjà sur le truc, il y a pas de raison que ça marche avec vous. Et moi j'ai décidé de soutenir Tof dorénavant. Ah, ça y est, t'as un soutien maintenant. Parce qu'il a raison, parce que il a raison d'en profiter. C'est vrai. On a beau prévenir de décrire le personnage, de dire qu'il est, et tout le monde s'en fout. Voilà. Donc maintenant, je soutiens Tof. Tof, allez-y. Ouais, la queue tendue. Merci, Polo. Allez, défonce. Ouais, c'est oui, ça. L'étendard en avant. Mais oui, c'est ça. Bon, il y a Larry qui dit je suis mort de rire avec vos insultes. Il y a Jojo aussi, cette tweet qui dit Kylian a intérêt à gérer après avoir dit que le canular était nul la semaine dernière. Ben, je te le confirme. Et Tirefall qui dit j'étais avec des potes en ville et chaque personne que je croisais, je lui prenais le bras et je lui disais Mickaël, 23h, 2h sur Fun Radio. C'est bon ça, mais il faut filmer. Taire, comme ça je mets sur le Facebook direct. Mets un coup de lance-flamme à Tof, s'il te plaît, de la part de Lucas de la Louvière. Ah oh bah écoute, bien sûr, avec plaisir, le lance-flamme. De toute façon, cochon, tout ce qu'il méritait. Grillé. Exactement. J'ai une petite tempête chez moi, c'est Canvant. Et Paul PC28 qui dit mort de rire ses petites intros. Bah oui, non, c'est jingle, tu veux dire. Mais oui, c'est des nouveaux, effectivement. Bon, bah Stéphanie, attends, il y a également Marine avec nous de Metz là. Salut Marine. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Alors, Marine, comment ça se passe chez toi? Des coups d'un soir? Oui, bah oui. Généralement qu'avec les mecs en couple. Oh, avec t'as raison. Dégueu, là. Avec les mecs en couple, pourquoi? T'as raison, ça prend moins la tête. Ben, Polo at funradio.fr. Justement, ils veulent pas de sérieux et ils cherchent juste de quoi évacuer un peu la pression avec leur copine. D'accord, ok. En fait, pas. Tu fais ça pour leur rendre service. Ouais, voilà. Voilà. Mais oui, bien sûr, mais quelle bonté. Alors, hein, quelle bonté, Marine. Polo at funradio.fr. Polo oui, est ça. En couple, il est marié. Hein, mais non, non, Tof, Polo est célibataire. Non, il est marié et il a des enfants. Voilà. Hein, donc, c'est un couple solide. Voilà, donc d'ailleurs, ce ne sera qu'un seul soir. D'ailleurs, par solidarité avec Polo, Marine, combien mesures-tu? 1m68. Ferme ta gueule, espèce d'enfant de pute. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95. D. Ah oui, il y en a ah, D comme Denise. Oh putain, bah oui. Et la taille de pantalon que tu as acheté? 38. Oh là. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, beaucoup de mecs mariés au standard Marine là qui sont en train d'appeler là. Je suis marié depuis 10 ans, je voilà. suis un homme fidèle, exactement. J'ai femme et enfant. Voilà, et il voudrait déraper juste enfants. Un soir. Non, bien sûr. De quoi Marine? Pas les personnes qui ont des enfants. Eh ben je n'en ai pas en fait, ouais. C'est pas les miens. C'est les enfants c'est de ma femme. Voilà, parce que lui-même en fait n'a jamais été père, hein, il les a adoptés par la force par des choses. Bon, voilà, je suis c'est quelqu'un ça. Quelqu'un de bon. Exactement, ouais. Bon, alors attends, il y a aussi Steph qu'on va prendre dans quelques minutes, tiens. Marine et Stéphanie, vous restez là les filles? Oui. Bon bah bougez pas de là. Et pour une fois qu'on a toutes des bonnes assos standard, on va pas les lâcher. Il y a Fred également là dans quelques minutes là. Salut Fred, comment tu vas? Bien et toi Mike? Très très bien, t'as déjà fait des coups d'un soir toi? Oui, non, parce qu'en fait j'ai un petit problème quoi. Ah bon bah très bien, bah alors Fred reste avec nous, on va en parler, on va se faire la colle également là avant de mettre le son de Showtech. La colle c'est avec Sébastien, toujours là Seb? Oui, toujours. Bon, je rappelle qu'on donne la réponse avant minuit 30 pour gagner la Xbox One la dernière. Vas-y Seb, ouais. Fais péter la colle. Donc lors d'une course de vélo, Pierre double le deuxième. Mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il? Voilà, si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L suivi de la réponse, vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et puis vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, simplement en allant sur facebook.com/MIKL officiel. Et puis si vous êtes tiré au sort, je vous offre votre Xbox One. Voilà, si vous avez la bonne réponse, évidemment. On appelle dans moins de 30 minutes, Sébastien. Tu restes avec nous encore? Ok. Très bien. Et ben ne bouge pas de là, Sébastien. On aura aussi Kylian avec... Ah, Kylian et le canular. Kylian. Ouais. Kylian qui a fait le malin la semaine dernière. Hein. Ouais. Ah, il a fait complètement le malin la semaine dernière. Bon, canular, Kylian, donc dans un instant, toujours chaud ou pas? Ouais, toujours chaud. Très bien. Bon, ça va parler de quoi en deux mots? Surprise hein. Ah, de quoi? Surprise jusqu'au bout. Surprise jusqu'au bout. Bah non, il faut nous dire un petit peu parce que sinon on va pas pouvoir jouer. On mettre la bouche là. Bah voilà, c'est ça. Donc bon, on va appeler qui? Ma grand-mère. Ah non, pas les grand-mères. Non, pas les grand-mères. Ah, non, Kylian, pas de grand-mère sinon tu ne joues pas. Je veux bien appeler ta mère ou ton père ou quoi. Tes frères et tes sœurs. Non, mais pas les personnes âgées. Ma sœur, j'aurais bien aimé, mais je suis pas sûr qu'elle réponde. Ah bah on va essayer, c'est pas grave. Et puis après, si elle répond pas, on t'insultera. T'as fait le malin. Voilà, t'as fait le malin. Non, pas avec les grands-parents. Non. Ça ne se fait pas. Surtout pas quand tu vas faire un truc où ça va les énerver, etc. Attends, on sait jamais. J'ai pas envie d'avoir un mort sur la conscience. Quoi. Non, mais c'est vrai. Attends, on sait jamais. Ça arrive. Un, là, mais bien sûr. Là. Oui, qu'il était... Mais non, mais ça arrive. J'avais fait un plan parfait. Ah ouais, parfait. Ah bah, dommage, Kylian. Ah, c'est quand on se la raconte. Raconte ça, Kylian. Bon, reste avec nous. On va revenir sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue si vous arrivez. Il est minuit. Minuit tout pile sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit et c'est Showtech qu'on écoute sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que nous. Mickaël No Limit. Et hors la loi dans la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, prévenez vos potes, on est là tous les soirs sur Fun Radio, là 23h, 2h en effet, du lundi au jeudi et tous les dimanches de 20h à minuit. Donc faut faire grossir là cette communauté, Mickaël No Limit. Je compte sur vous. Bon, on va parler des teubés de la télé avant de faire le canular avec Kylian, avant de continuer à parler des coulins soirs avec Marine, avec Steph, avec Stéphanie également. Et puis on aura Sébastien et la colle. Bref, il y a encore du pain sur la planche avant de terminer cette semaine, je vous le dis. Et puis on va donc parler de la télé. Tiens, Marine. Oui. Tu regardes souvent la télé, toi, ou pas? Oui, tout le temps. Tout le temps. C'est quoi ton émission préférée? J'en ai pas vraiment, mais touche pas à mon poste, surtout. Touche pas à ton poste. Le mec qui fait le truc. Touche pas à mon poste. D'accord. Les Amours, tu regardes ou pas? Oui, un peu. Un petit peu, très bien. Parce que dans Les Amours, il y a eu un petit souci tout à l'heure, puisque c'est le jingle de Questions pour un champion qui est parti. C'est un autre jeu, ça, excusez-moi. Alors, n'importe quoi, ça devient mes portes à wax, c'est même plus la même chaîne. On salue Julien. Julien, si tu nous regardes, bravo. Voilà, on sentait qu'il est quand même, il était quand même bien seul. Hein. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Et puis, dans, est-ce que t'as déjà vu l'émission là, de Giuseppe Ristorante là? Non, je regarde pas, c'est inutile. Oui, bah je te le confirme. Bon, non mais bonne réponse en plus, c'est vrai. Hein. Et on n'a pas tout à fait. Donc il y a dans Giuseppe, parce que c'est le nom, hein, Giuseppe Ristorante, on n'est pas tout à fait sûr de quoi parle sa mère. J'ai goûté la saucisse à Pascal. Enfin, j'ai plutôt goûté le saucisson à Pascal. Pas mal, ça aurait pu être mieux. Bonne. Ah, pas mal, hein. Donc apparemment la mère elle a déjà testé la saucisse à Pascal. Enfin le saucisson à Pascal, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt positif. Bon, Marine, on va continuer à parler des coups d'un soir. Je vais vous demander comment vous épilez aussi les filles là, pour voir si le sondage de Toff est toujours bon. Apparemment 43% des mecs préféreraient la version naturelle, c'est-à-dire la forêt vierge. Voilà. Buisson non taillé, dégueulasse donc. Assez crade. Hein. Personnellement, moi, c'est pas du tout mon délire, mais bon, soit. Kylian, le retour du canular. Kylian qui a fait le malin la semaine dernière, puisqu'on avait fait, des canulars justement la semaine dernière. Et tu nous as dit, ouais, fallait nous prendre moi, parce que là, c'était nul ouais, et tout. Moi, je suis meilleur. Moi, j'aurais fait mieux et tout, t'as vu. Eh ben, justement, c'est leur devoir, Kylian. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant. T'as une petite bite à mon avis. Hein, il me semble aussi, hein. N'est-ce pas? Je stresse grave là. Ah bah t'as raison, tiens. Parce que je te rappelle que si jamais tu perds, Toff y va. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, donc Kylian, faut pas rater, hein. Ça, non, on va pas rater. D'accord? Ok, pas de soucis. Bon. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, si jamais ça rate. Bon, on va appeler ta sœur et qu'est-ce qui va se passer? On va faire quoi, Kylian, là, que je me prépare un peu psychologiquement? Bah en fait je voulais faire croire que bah avec toi en fait le patron d'un casino Ouais. Il fait une caisse tous les jeudis soirs. Ouais. Et qu'on est parti faire la peau pour lui vider sa caisse. Pour lui vider quoi? Pour lui piquer l'oseille? Pour lui piquer son fond de caisse. D'accord. Tous les jeudis. Ok, et donc là tu vas l'appeler pour dire quoi? Qu'on a déjà piqué le truc ou qu'on va le faire? Bah qu'on a déjà piqué le truc et qu'on est en voiture et que le mec est dans le coffre. Et que je l'ai assommé dans la nuque et que je crois qu'il est mort. D'accord, ok, très bien. Bon, alors. On est bien. Alors attends, parce qu'il faut que je prépare tout le bordel, moi. Bon, la voiture est là, tout est là. Oh. Bon, ça c'est l'explosion au cas où il y a vraiment une catastrophe. Le mec dans le coffre est là. Le mec dans le coffre. Voilà, c'est ça. Au cas où on freine pour encore l'assommer. Tout est là, putain. c'est un train là, qui vient de. Il faut sortir l'hélicoptère aussi. Hein. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Reste calme. On va d'abord voir s'il va décrocher avant de faire le malin là. Hein. Tu crois qu'on avait assez de budget pour ton canular? Ouais, c'est ça. Tu crois que quoi? On est à Hollywood ici? Bon. Comment elle s'appelle ta sœur? Jessica. Très bien. Alors attention, tous ceux qui sont sur le Facebook, le Twitter et derrière leur radio en règle générale, vous allez pouvoir donner une note à Kylian qui a fait le malin. Il sera jugé. Il sera totalement jugé juste après, hein, sur la place publique complètement. Va faire foutre, salopard, connard. Voilà. Et donc on fera ça dans quelques minutes. Donc à vous de juger évidemment si le canular est mieux que celui de la semaine dernière, que Kylian a trouvé moyen, voire mauvais la semaine dernière en faisant le malin justement. Bon, on y va Kylian? On y va. Bon, tu m'as dit qu'elle s'appelait comment ta sœur encore? Jessica. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Bon, et Kylian, sois bon en termes de théâtre, hein. Parce qu'on est censé avoir fait un braquage, on est dans la voiture, tu vois ce que je veux dire? Pas de soucis. Bon. Je suis en mode stress là, donc ça devrait aller. Tu es en mode stress, donc ça devrait aller. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Attends, faut juste que je cherche un truc là. Avant qu'on appelle, on est censé être dans la voiture. Merde, j'avais un son spécial pour ça. Voilà, ça. Voilà. Voilà, on est dans la voiture. Allez, c'est parti. Allez. Donc là, il nous entend plus, et je sais pas pourquoi, mais à mon avis, il va foirer. Vous allez pouvoir... Ah, merde. Allô, Jess? Pas mal. Allô? Allô, Jess? Putain, c'est marré, hein. Allô, elle a raccroché. Ah Kylian, t'es bon là. Là on est bon là Kylian. Ouais. Non mais Kylian. Ouais. Tu sors. Non mais là c'est un problème technique de Kylian chez vous. C'est un problème bien sûr, ça vient de chez nous maintenant, tiens. Ah bah, déjà. Tu vois ce qui s'est passé Kylian, c'est la même chose que ça. Problème de batterie. Et ça ne démarre pas, malheureusement. Bon, allez, je veux bien laisser le bénéfice du doute. Mickaël est bon prince. On va rappeler. Allez, Kylian. Si jamais c'est pas bon, tu sors, hein, je te préviens direct. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange. Je n'ai pas là. Kylian. Ça, c'est un problème de papier. Kylian. C'est ça, ouais, c'est ça. Kylian, qu'est-ce que j'avais dit? Là c'est dans le cul, non? 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On en a perdu un, c'est pas grave. Un auditeur. Ça arrive. Anne perdue. 10 de retrouver. Anne perdue. Voilà, une pensée à la famille, bien entendu, de Kylian qui. Qui a perdu pas. Un abruti, de toute façon, c'est pas grave, hein. Et un mec qui se la ramène comme ça, c'est pas si grave. On a une pensée à... pour Kylian, bien entendu, hein. Qui nous avait quand même dit que la semaine dernière c'était nul, blablabla, blablabla, bla, et blablabla. Bla, bla. Bon, alors faisons un tour du côté du Facebook, du Twitter pour avoir vos avis, tiens. Il y a Indioul Piu Piu qui dit dans ta face, Kylian, mort de rire. Il y a Gilavoisé qui dit qu'une seule chose à dire pour ce canular pitoyable n'est pas digne de pitié. Ça devait pas être énorme, c'est Alex. Mais écoute, je m'attendais à ça aussi. Pourtant, j'ai même pas eu l'occasion de. Oui, on a un truc. Hein. Bah, je tiens à saluer Toff, il a quand même fait un très beau rôle. Oui, ouais. Parce qu'au final, il y a que moi qui ai joué dans ce un sketch. Un petit peu, en tout cas, ouais. Il y a Alan aussi qui dit mort de rire, quel bolos. Lydie qui dit Kylian, il fait moins le malin maintenant, ça c'est sûr. Nicolas qui dit mort de rire, le canular. Indioul Piu Piu encore qui dit on est mieux qu'à Hollywood, Mickaël, c'est le paradis ici avec vous tous. Mort de rire, il est bidon. Il y a Gwenel aussi qui dit il mérite un coup de lance-roquette. Ouais, je pense qu'il a déjà eu un coup dans la gueule là pour le coup. Hein. Et Tite Cat aussi qui dit j'ai crié à 23h dehors devant un hôtel. Mickaël No Limit sur Fun Radio. C'est bien Tite 4, mais il faut filmer tout ça là, comme ça on met ça sur le Facebook et bientôt sur le site internet. Mais évidemment. Et attention, Alex aussi qui dit c'était un canular. Non, en fait c'était juste une interlude. Voilà, c'est ça, exactement. C'était juste ça qui s'est passé. Vous inquiétez pas. Bon, moralité, si vous voulez faire un vrai canular, n'hésitez pas à nous appeler maintenant. On fera ça dans quelques minutes si vous voulez. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Qu'en as-tu pensé, Marine, de ce magnifique canular? Un canular ou ça? J'ai pas entendu. Bonne réponse. Qu'en as-tu pensé, Stéphanie, de ce canular magnifique? Il aurait eu du mal à faire mieux. Ah oui, je confirme. Qu'en as-tu pensé, Steph, du Val d'Oise? Nul à chier. Ouais, et le Val-d'Oise qui a changé de département, maintenant c'est dans le 65. Non, j'annonce. Oh, le type au courant. J'annonce, mais non, c'est terre, parce que c'est ce qu'on s'est endroit mis dans le standard. Hein. Les gars. Donc c'est le Val-d'Oise, parce que déjà, il y a l'Île-de-France qui va se mettre avec la Picardie. C'est hein. ça. Et donc là, le Val-d'Oise, maintenant c'est le 65. Ils ont décidé de changer tous les chiffres. Comme ça s'est passé ce matin, là, il y a 10 minutes. Voilà, alors l'Île-de-France sera le 13 dorénavant. D'accord. Voilà. Marseille sera le 01. Bon, on va tout changer quoi. Il n'y a plus d'Antibes, c'est Antobe. Antobe, comme hier, effectivement. Voilà. Donc tant qu'à faire, on va tout démonter. Je refais la carte de France. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est nouveau manuel de géographie par Sandro. Tout à fait. Bon, Steph, puisque tout à l'heure, on va parler avec toi maintenant. Hein, donc des coups d'un soir. Est-ce que tu as déjà testé le coup d'un soir? Bah, bien sûr. Ah, évidemment. Plus d'une fois d'ailleurs. Bah, oui, d'accord. Mais est-ce que comme Marine, tu ne t'attaques qu'au mec marié? Ou en tout cas en couple? Marié? Non, bah non. Non? Non, bah non. Mais tu t'en fous, toi. Marié, pas marié. Sous la main, on s'en fout. Wow. D'accord, ok. Toi, tu bouffes à tous les râteliers, toi, c'est ça? Mais bon, faut pas une excuse pour baiser un soir. Si t'as envie, voilà, c'est bon, quoi. Est-ce que tu coucheras avec Toff? Non, toujours pas. Ah, toujours pas. Attends, je te passe Stéphanie, Steph, qui, elle, apparemment, n'a qu'une envie, coucher avec Toff. Alors, est-ce que tu pourrais éventuellement... T'as déjà vu Toff, toi? Ah bah oui, t'as déjà vu Steph, Toff. Bah, ah bah oui, t'étais passé nous voir, je suis con. Donc, bah oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer peut-être ta vision des choses à Stéphanie afin qu'elle ne soit pas souillée gratuitement et bêtement? Alors, Toff, c'est un enculé de première. Il ressemble à rien. Ouais, il casserait pas trois pattes à un canard, quoi. Je t'encule au passage. Je te remercie pour autant de compliments, ça me va droit au cœur. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Mais on est au top là. Ah là, on est au top du top. Bon, et ben voilà, Stéphanie, t'as toujours envie? Oui, toujours. Non, mais t'es improbable. Mais après, mais tu viendras pas pleurer, Stéphanie, après. Il n'y a pas d'argent, hein, Stéphanie. Et en plus, c'est ça, je te rappelle qu'il roule en autolib. Non, mais je suis pas comme ça, moi. Voilà, parce que ce week-end, attention, pour toutes les filles qui vont le voir à Compiègne, qui vont le voir en Picardie, il va avoir une voiture de loc louée par Fun Radio. Ce n'est absolument pas la sienne. Voilà. C'est malheureusement pas la mienne non plus. Hein. Jérôme nous a mis bien. Ouais, même s'il y aura ma tête dessus, ce n'est pas ma voiture. J'aurais bien voulu, cela dit, hein, mais c'est pas celle-là. Mais oui, effectivement, là, Jérôme, le grand patron de Fun, nous a mis plus que bien. Ah ouais, oh là là. Enfin, il a fait des économies sur tout le reste. Hein. Ah ouais, ça va être les. Ouais, on va être au top là. Vous allez voir si vous venez nous voir en Picardie là ce week-end, on va être au top. Bon, Stéphanie, tu t'épiles comment toi? Moi, j'en ai tel. Attends, Stéphanie, pas Steph. Oui. Stéphanie de Brive-la-Gaillarde. Moi, j'enlève tout. J'aime pas les poils. T'enlèves tout, Steph? Pareil. Pareil, Marine? Ticket de métro. Ticket de métro, oui ça va, ça. Ticket de métro ça va, c'est mignon, ça soit trop long, mais ticket de métro ça va. Mais par contre, comment est-ce possible que 43% des mecs veulent aujourd'hui tout laisser à la, enfin pas à l'abandon, enfin si à l'abandon au final. Si si. C'est dégueulasse, moi je pourrais pas. T'imagines, tu fais un cunis là-dedans, t'es. Mais même. Après, imagine, t'as un peu de barbe, ça fait des nœuds. Non mais même, imagine, t'es là, t'es en train de la chauffer, tu glisses la main dans la culotte, tous les poils que tu vas t'arracher. Oh l'horreur. Non mais quelle angoisse. Une horreur. Bon, ben on va demander aux autres aussi. Hein. Donc les filles, appelez-nous encore. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait le coup d'un soir? Comment vous avez aimé ou pas justement? Et puis au niveau de l'épilation, comment ça se passe chez vous? Est-ce que comme 43% des mecs, vous... C'est les mecs hein, qui veulent ça a priori, donc pas moi que ce soit clair, hein, mais 43% des mecs disent qu'aujourd'hui... Eh ben, il faut laisser à l'abandon et que ils aiment bien les poils et qu'il faut laisser les poils. Donc je trouve ça un petit peu particulier, mais pourquoi pas. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Gros bisous les filles, merci d'être passées. Je vous embrasse, Marine, Steph et Stéphanie. Bisous. Salut. Ouais, Steph, tu passes nous voir demain. Toi, c'est cool. Très bien. À demain, Steph. Ouais. Ciao. Bisous à toi. Ça. Salut Stéphanie, salut Marine. Gros bisous. Salut. Salut. Bon bah très bien. Allez, les autres, vous nous appelez. Il y aura Damien dans quelques minutes comme promis. Il y a Nico qui voulait réagir là de par rapport au coup d'un soir. On va te prendre dans quelques minutes, Nico. Tu restes là? Nico? Oui. Ah, il est là. Oui, donc, oui, je suis là. Bah, ne bouge pas, Nico de la Louvière, là. On va te reprendre dans quelques minutes. Il y aura Fred et puis on va se faire la réponse à la colle dans quelques instants. La colle de Sébastien lors d'une course de vélo. Pierre double le deuxième, mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il? Vous pensez avoir la bonne réponse? Tant mieux. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On se met de Binovato et alors apparemment, il y a Laetitia qui veut faire un canular. Sera-t-elle aussi bonne que notre ami Kylian? Ça va être dur, la barre est haute. Hein. Bah, la barre est très très haute, je sais, mais bon, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, on fait ça après Demi Lovato et Neon Lights maintenant sur Fun. Bienvenue tout le monde, il est minuit 16, on est en direct jusqu'à 2h. Be still my heart, cause it's freaking out. dans une autre dimension. Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ouais, on est à la radio tous les soirs sur Fun Radio 23h, 2h et le dimanche de 20h à minuit, il y a Gwenel qui dit je veux bien être le coup d'un soir des deux Steph, moi. Tu m'étonnes. Snorky aussi, zéro pour le canular, c'est trop, non là, mort de rire, c'est mauvais. Mickaël qui fait le malin tombe dans le ravin. Ah bah oui, c'est surtout pour Kylian ça, hein, qui a fait le malin lui. Christophe qui dit y a-t-il possibilité de demander s'il y a eu une ou des filles de Bruxelles aux alentours qui cherchent une histoire d'un soir. Ah bah écoute, le message est passé, Christophe, hein, donc si vous êtes dans la région bruxelloise, là n'hésitez pas, hein. Christophe est disponible. Mais oui. Non, pas toi, un auditeur. Et Laurent qui dit vous êtes trop super, je m'éclate. Bah tant mieux Laurent, merci en tout cas d'être là. Et Harmonie qui dit non mais plus vous interdisez de coucher avec Toff, plus elle se jette dans la gueule du loup. Ouais mais après elles vont pleurer, bah tant pis hein. Bien fait pour leur gueule. Que tu veux, je te dise moi, c'est comme ça. Bon allez, on donne la réponse maintenant à la colle de Sébastien, t'es là et on fera la en autre canular juste après, hein. Enfin un autre, c'est pas comme si on en avait fait un juste avant, hein, mais bon. Avec Kylian qui a été dramatique. Mauvais. Mais on va donner la réponse maintenant Sébastien pour savoir qui va repartir avec la Xbox One. Ouais. Bon, on va faire ça dans quelques minutes. Ok. Sébastien, alors répète quand même la colle encore un coup là pour voir. Alors, lors d'une course de vélo, Pierre double le deuxième. Ouais. Alors, il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il ? Bon, alors attention, donc lors d'une course de vélo, Pierre double le deuxième, mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il ? Bon, alors attention, si vous avez la bonne réponse, enfin si vous aviez la bonne réponse, fallait vous inscrire hein, en envoyant votre message par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Donc, et on appelle maintenant le ou la gagnante éventuelle. Je rappelle que si jamais c'est le répondeur, tu gagnes. Si jamais la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, à ce moment-là, eh bien, perdu. Tu auras perdu. Et ça, ce sera dramatique, Sébastien. Ce serait dramatique, Sébastien. Ouais. N'est-ce pas ? Bon. C'est sûr. Bon, on y va, on va appeler Sébastien ou alors je laisse encore. Bon, c'est quoi ? On va faire d'abord le canular, Sébastien. Je laisse encore un peu le suspense. Okay, en même temps, c'est bon pour toi. Hein. Oui, parce qu'on est cruel. Ouais, non, mais en même temps, c'est bon pour toi, je t'explique. Plus on attend, plus on a de chance de tomber sur le répondeur. C'est ça très bien, franchement. Donc on laisse encore un peu la chance aux auditeurs. Allez. Enculé, rêve, allez. Même pas en rêve, on l'appelle. Ah l'autre, il est arrivé lui. Il était content, tu sais, ouais. Dire, j'ai gagné. Ouais, c'est bon. Ça c'est à cause de Christophe. Attends, parce que c'est... Allô, bonjour. Bon, bonjour. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Candice. Candice, bienvenue Candice. Bon, alors Candice, il y a Sébastien qui a une colle à te poser, vas-y Seb. Lors d'une course de vélo, Pierre double le deuxième. Mais lorsqu'il va pour franchir la ligne d'arrivée, il se fait doubler par deux rivaux. À quelle place est-il ? Alors, Candice ? Je dirais quatrième. C'est ça. Oh ! Ouais ! Eh ben voilà Candice, en plus c'était pas sûr, c'est de quoi foutre la rage à Sébastien le pauvre qui a passé un sale week-end maintenant. Bah, t'as vu la Xbox One, elle était presque installée dans ton salon et elle a glissé. Il est parti. Ah ben je l'inviterai pour qu'il lui joue. Ah t'as vu Sébastien, t'as peut-être pas tout perdu au final. C'est sympa. On sait jamais. Bon Candice, bah gros bisous à toi, bon week-end. Et puis reste au standard, on va prendre les coordonnées en antenne, d'accord ? Merci gros. Salut, bisous. Ciao Candice. Bon sans rancune hein Seb hein. Ouais. Bon, ça arrive. Rien d'avoir un pack-pack ? Oui, bah ça sans problème, évidemment. Tu vas retourner chez Sandro au standard, on prend tes coordonnées sans problème, oui. Sébastien. Salut à toi et merci d'écouter Fun. Salut. Ciao. Salut. Bon, et on rejoue bien sûr dès dimanche avec la colle, avec d'autres cadeaux, bien entendu, à gagner. Ça tombe sous le sens. Bon, avant de récupérer Damien, avant de parler avec Nico, avant de parler avec Fred également, qui appelle de Bretagne, on va prendre des nouvelles d'ailleurs de la météo, parce qu'apparemment ça souffle sa mère en Bretagne et un petit peu partout dans l'ouest de la France. Là, donc appelez-nous, ça monte vers la Belgique également. Donc appelez-nous si jamais vous êtes déjà dans la merde en termes de vent. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou alors au 02 851 4x0. Est-ce que le canular va être meilleur que celui de Kylian ? Bah écoute, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on accueille maintenant Laetitia qui est avec nous. Comment ça va Laetitia ? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue Laetitia. Alors, merci. Tu nous appelais parce que nous allons faire le canular, le fameux du jeudi. Tout à fait. N'est-il pas ? Bon, alors, est-ce que tu as déjà... est-ce que tu as une idée ? Ouais, en fait, je suis enceinte, donc... Mais félicitations ! Bravo ! Merci.

Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à deux. Mickaël No Limit. Et hors la loi dans la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est là jusqu'à 2h sur Fun Radio avec Julien. Putain, vous avez kiffé le canular, c'est cool, tant mieux. Julien qui est tellement oufissime le canular. Il y a Abdou aussi, la fin du canular a été énorme. Christophe, il est vraiment excellent le canular de fou, franchement, j'adore trop fort. Merci à Laetitia, mieux que Kylian. Ouais, j'ai reçu un mail aussi qui dit Laetitia 1, Kylian 0. Voilà. Et Valo aussi, trop bon le canular. Mickaël, pour moi, c'est le meilleur. Le mari, il a bien décollé. Et Denis aussi, le canular est excellent. 10 fois mieux que celui de la dernière fois. Bon, bah, c'est cool, tant mieux. Plus de nouvelles de Kylian, cela dit. Il n'a pas commenté. Est-ce qu'on peut lui laisser une chance, un de ces quatre? Kylian? Ouais. Ouais, on n'est pas des enculés, t'inquiète. Serge qui dit ce canular est énorme. Et Julien qui dit, ah, mais qu'il est bon le canular. Et là, il y a du niveau pour le canular, etc., etc. Bon, bah, merci pour tous vos messages. C'est cool. Et Nicolas aussi, j'ai gravé Mickaël sur ma table de cours. C'est bon, ça. Et Christophe également, Kylian a été mauvais, plus que mauvais que ça. Attends, c'est quoi? Plus mauvais que ça, faudra appeler Jean-Pierre Sauzère. Oh, t'es méchant, Christophe. Et Vincent, vous m'éclatez avec vos qu'est-ce qu'elle est bonne, you. Oui, bah, et quand une fille est jolie, il faut lui dire. C'est pas plus compliqué on que m'a ça. Toujours dit, il fallait faire des compliments. Enfin. Voilà. Retour avec Damien, avec Nico, avec Fred. Mais avant ça, on va continuer à faire les appels de Toff justement, puisque je vous le rappelle, nous sommes tombés sur cette grande information qui disait que 43% des hommes apparemment préfèrent la non-épilation. Oui. Ils préfèrent la version originale de la femme, dans le sens où il n'y a pas d'épilation, pas d'entretien. Ils préfèrent le buisson non taillé. Voilà. Donc, du coup, bah, nous, on s'est posé la question et voilà, on a demandé si effectivement c'était le cas chez vous, les filles, là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens, Nico, tu préfères quoi, toi? Moi, que ce soit rasé total. Rasé total. Et toi, Damien? Ticket de métro. Ticket de métro. Et toi, Fred? Gros chat poilu. Oh, Fred! Wow. Fred, pour l'essai, je préfère raser total. Raser total aussi. Bon, pour l'instant, sur trois auditeurs, il y en a deux qui préfèrent le raser total et l'autre, c'est ticket de métro. Et personne n'a dit qu'il préférait la version. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je prends ce qu'il y a. Ouais, non, du poil, on prend 100 poils, ticket de métro. Non. Même ticket de TGV, on prend. Mais faut pas déconner. Bon, allez, on appelle maintenant. On va continuer à appeler des gens. Les numéros que vous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis, on va vérifier. C'est parti, t'es prêt? Allons-y. Allez, c'est parti. On avait appelé en Algérie tout à l'heure. Hein. La meuf était plutôt calme encore. Hein. Ouais, c'était cool. Bah oui. Là, je sais pas où on appelle, mais on verra. Allez, c'est parti. Ça ne décroche pas, c'est dommage. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir comment vous aimiez que votre femme s'épile. Ma gueule, un peu de truc. Bah, c'est pour savoir, monsieur. Savoir quoi? Bah, savoir comment vous aimez qu'elle s'épile l'entrejambe. Bah, et moi je te demande si ta grosse elle se gratte le machin, moi. Mais ça a aucun rapport, monsieur. Bah, et puis là, il y a eu le rapport, là. Bah, il n'y a pas de rapport, monsieur. Moi, je veux juste savoir comment vous aimez qu'elle fasse, c'est tout. Si vous préférez avec beaucoup de poils, un petit peu, pas du tout. Mais est-ce que je te demande, moi, ta mère, dans quel sens elle se fait prendre, ta sœur, si elle aime l'anal, enfin, je sais pas, on est intime, on est quoi, là? Non, monsieur, je vous demande juste comment vous aimez que votre femme s'épile, il n'y a pas besoin de parler de tout ça. D'accord, bah si, un peu quand même. Et alors, ta mère, elle s'épile, ta mère? Bah, je sais pas, monsieur, mais je vois pas le rapport. Ah bon, et ta sœur? Bah, je sais pas non plus, monsieur, je ne lui demande pas ce genre de choses. Ah bon, d'accord. Mais non, parce que là on est entre hommes, moi je vous pose la question d'homme à homme. Entre hommes? Ah bah. T'appelles ça un homme toi? Tu te caches derrière un numéro masqué pour me demander si ma femme s'épile et toi t'es un homme toi. Ah non, pas du tout monsieur, je vous ai demandé comment vous aimiez qu'elle s'épile, ce qui n'est pas la même chose. Bon allez, va mourir, je prends une grosse poignée de gravillon, je la mets dans ton cul, je te fourre à sec, hein, pour commencer. Si t'es pas content, je te casse la nuque, les jambes, et puis je pense que si je te croise, je te démonte, quoi. Allez, va mourir, enculé. Trop de sympathie, trop de gentillesse. Ah, il était bon, lui, hein. Casse la nuque, les jambes, et va mourir, espèce d'enculé. Il était pas mal. Et on va le rappeler, hein. Gravillon, j'adore ça. Bien sûr. C'est énorme, le mec est fort, j'adore. Est-ce qu'on va arriver à passer celui-là? Je te brise les os, mon gars, et je t'encule au passage. Ah non, celui-là est mieux. Ouais, attends, on va rappeler là encore une fois, on sait jamais. Hop là. Retour chez notre ami très sympathique. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais pourquoi vous le prenez comme ça? Parce que. Mais t'as rien d'autre à foutre, sans déconner, quoi. Bah non, moi je veux juste savoir comment vous aimez que votre femme s'épile, c'est tout, il y a pas... Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain, mais... putain, mais des connards, j'en ai connu, mais des comme toi, mais... putain, c'est quoi ton nom, toi? Moi je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, d'accord, ah bah c'est mignon, ça. Ah, tu t'habites où, toi? Je vous remercie, je suis à Paris, monsieur. T'es à Paris, ouais. Ouais, d'accord, et en même temps, ça pouvait être qu'un parisien pour dire de la merde comme ça m'étonne même pas, quoi. Je vous dis sinon, pas à part faire chier les gens à cette heure-là le soir, t'as rien d'autre à foutre, quoi. Bah non, parce que moi je voulais juste vous demander gentiment comment vous aimez que votre femme elle se rase la chatte, quoi, c'est tout. Ah ouais, d'accord, mais parle pas comme ça de ma femme, gros, mais t'es un grand malade, toi, t'es pas bien, quoi. Tu te fais jamais démonter, quoi, tu te fais jamais exploser la tête à parler aux gens comme ça, quoi. Mais je vous ai rien dit, monsieur. Tu m'as rien dit, la chatte à ma femme, mais tu vas voir, mais la chatte à ta grand-mère, la chatte à ta sœur, à ta grosse, à qui tu veux, mais va te faire enculer, quoi, connard, quoi. Putain, des connards, j'en ai croisé, mais putain, mais des comme toi, mais t'es extraordinaire, toi, sans déconner, quoi. Mais on fait comment, là, je te démonte tout de suite ou on attend un peu, quoi. Putain, t'as de la chance, et t'as de la chance que je sois au boulot, là, parce que normalement, je mettais le cul dans la bagnole, je montais à Paris pour te démonter, gros. Mais pourquoi vous voulez me démonter, monsieur? Parce que t'es un connard, qu'est-ce que ça peut te foutre si ma femme elle crase et puis machin, moi je te demande comment ta mère elle se fait prendre, comment ta soeur, t'en es où là? Mais non, parce que moi je vous ai demandé comment vous aimiez, je veux pas savoir comment elle fait en vrai. Ah bon, d'accord, bah alors moi j'aime bien quand y a pas trop de poils, parce que si tu veux bouffer du poil, ça me fait un peu chier, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien qu'il y ait rien, quoi, tu vois. Eh ben voilà, vous voyez, monsieur, c'était... Ouais, c'est bon, c'est bah bon, oui. tu me lâches maintenant. Ah oui, là maintenant vous avez répondu, bon. On se souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Toff. Hein. Putain, n'y reviens pas, hein, c'est pas la peine. Allez, salut. Hein. Parfait. Eh ben voilà, qu'est-ce qui nous a pris la tête? Mais oui, alors que c'était... Toute cette violence pour rien. Je te casse la nuque et je te casse les jambes. Mais oui, mais toute cette violence pour au final pas grand-chose. C'est dingue ça quand même. Oh là là, je vous jure. Bon, je vous rappelle que jeudi, on sera de 21h à 23h en direct du Star Wars Identities à la Cité du Cinéma Paris Saint-Denis. Ah oui, ça va être beau. Ouais. Merde, pourquoi ça marche pas? Ah mais non, c'est celui-là. Ah mais il voulait... Ah voilà. Oui, j'en mérite une, hein. Voilà. Bon, donc je disais qu'on sera en direct du Star Wars Identities jeudi 21h-23h. Et puis juste après on fera l'émission. Donc dans une semaine on sera là-bas. Et juste après on fait l'émission normale en direct des studios, vous inquiétez pas. Donc 21h-23h, si vous voulez venir avec nous, on a des places avant même l'ouverture de ce salon spécial pour les fans de Star Wars. Ben vous pouvez venir, hein, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y aura également Chewbacca qui sera là. Voilà, il sera là en pleine forme. Voilà, il y aura R2-D2. Tout le monde sera là également. Voilà, ah, il sera en pleine forme. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit va te faire enculer, Toff. Voilà. Merci, R2. T'as vu? Attends, il répond un truc. Ah voilà, c'est ça. Oui, il a confirmé. Non, il a confirmé, effectivement. Et puis Dark Vador, bien entendu, sera là. Donc si vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas, vous appelez maintenant 01 42 48 5000. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, de 21h à 23h sur Fun Radio. Voilà. Allez, on va récupérer maintenant, comme promis, Nico pour réagir au coup d'un soir. Nico de la Louvière, t'es là, Nico? Ouais, je suis là. Comment ça va? Super et vous? Bah très bien, Nico. Bon, minuit 52, on est en direct sur Fun Radio, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a Jay Lapointe qui dit va mourir, mais c'est magique comme phrase. Oui, il était très gentil. Et puis Jojo78 qui dit va mourir, je t'encule à sec. Très gentil également. Mais bon. Alors, beaucoup d'amour. Ah, trop d'amour, évidemment. Énormément d'amour avec Toff. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Voilà. Bon, alors Nico, on va parler de coups d'un soir. T'as déjà testé les coups d'un soir? Assez souvent, malgré que je suis marié, mais bon, ça va m'arriver. Oh l'enculé. Bravo, ah ouais, bravo. Peux le dire. Oh là là. Ça, tu peux le dire. Ouais. Ça ne gâche pas. Et donc, t'es marié, mais tu te tapes quand même des coups d'un soir. Vas-y, explique. Ah bah justement, ça va m'enlever tout le stress, tous les nerfs, comme ça et tout, avec la femme. Laisse tomber, c'est quand elle fait sa gueule ou quoi, et qu'elle est là dans son coin. Elle fait de sa gueule un peu. Ah ouais. Non, elle fait de la gueule. C'est une chienne. Mais en même temps, comment se fait qu'elle fait la gueule, ta meuf? Je comprends pas. Bon, pour un tout, pour un rien, parce que ou je suis devant la console, ou alors je vais débarrasser la table, elle fait chier. Alors je viens voir une couille du style, je bois un verre avec un ami, ou je vais sortir un coup et... Et voilà. tu vas décompresser. Voilà. Voilà. Il va lâcher la purée. Dis-moi, tu es marié depuis combien de temps? 3 ans. Bah, faut divorcer à un moment, parce que si après 3 ans c'est comme ça, mec, qu'est-ce qui va se passer dans, ouais, c'est ça, dans 7 ans pour arriver au 10e anniversaire, si vous arrivez jusque-là? Non mais c'est pas normal de réagir comme ça, on dirait que vous êtes un vieux couple qui a 50 ans chacun, là. Je sais, pourtant j'en ai 25, elle en a 20, mais... Oh là là, voilà. Tu l'as épousée à 17 ans? Enfin, elle avait 17 ans? Ah, presque 18, elle avait, maintenant elle a bientôt 21. Oh là là, mais pourquoi vous êtes marié si tôt? Bah, il se pose toujours la question. On va le dire franchement, je suis con. Oui, bah là, oui, je confirme, là, pour le coup. Oui. Attends, R2D2 va te le dire. Oui, il confirme. Donc, non, mais. Bah, écoute, attends, mais il y a un moment, c'est pas normal. Non, je sais bien, j'ai trop forcé les choses. Rassure-moi, t'as pas de gosse? Non, pas encore. À la bonne heure. Bon, bah, n'en fais pas, hein. Pas avec elle, en tout cas, ça a pas l'air d'être la femme de ta vie, mec, hein. Non, non, des gosses, j'en veux pas. Je suis pas trop pour ça. Ah, t'es pas pour? Mais pourquoi tu t'es marié alors? Je comprends D'accord, pas. Tu t'es marié avec une meuf, tu la trompes non-stop et tu veux pas de gosse? Bah non, non mais c'est bien. On dirait moi. Non, et donc du coup, toi les coups d'un soir, t'es pour? Ah oui, parce que moi j'ai quelque chose à dire. Ça permet justement d'enlever la pression, ça permet de justement, tu peux faire avec un coup d'un soir, donc entre guillemets ta maîtresse, tout ce que tu ne feras pas avec ta femme. Mais non, mais idéalement, c'est de pouvoir tout faire avec sa femme, sinon ça sert à rien. Ouais, mais seulement que tu vois quand t'as du respect pour ta femme, tu vas pas non plus lui dire viens, je t'ai fait une sodomie ou viens. Ça sert. Partout ou dans un club, du bâtiment, quoi que ce soit. Non mais après, femme, ouais, mais après ça dépend ce que tu veux faire. Mais idéalement, tu te maries avec une meuf avec qui t'as des points communs, sexuellement parlant surtout. Et voilà, si tu prends une meuf qui est une nonne et que t'as effectivement envie de faire des trucs de ouf avec elle, bah oui, ça marchera jamais. Hein. Bon, déjà tu te maries pas avec une nonne, effectivement, mais quand même, c'était l'esprit quoi. Bah justement, c'est ça mon erreur, c'est que je me suis marié avec une nonne. Moi j'ai déjà goûté à la boîte de Pandore, comme j'ai déjà dit plus d'une fois, et me caresser la queue sur le couvert, ça n'ira pas. C'est très beau cette image. Ah ouais, c'est très très classe, c'est très très classe. Je comprends pas moi. Moi je comprends pas ton problème. En fait tu t'es marié avec une meuf pour l'emmener dans la boîte. Il a pas de problème, il appelait pas pour dire qu'il avait un problème, il appelait juste pour dire que les coups d'un soir c'était top. C'est tout. Si non, il a quand même un problème avec sa gonzesse. Il dit qu'il voulait se marier avec la meuf pour l'emmener dans des boîtes à partouze. Mais t'as rien compris. Il a dit ça, Tom. Il a dit ça. Mais non. Si tu dis moi je peux pas l'emmener dans les boîtes à partouze, je peux pas la mettre. Mais alors, je vois pas le rapport. T'as dit ça. Par respect pour la femme que justement que tu aimes ou que t'as envie que ce soit la meuf des gosses, tu ne fais pas ça. Pour lui avec une femme. En fait, pour lui avec sa femme, c'est un peu comme les mecs qui disent ouais mais moi je vais me faire sucer par une autre meuf parce qu'il n'est pas question que les lèvres qui touchent ma bite embrassent mon enfant. Voilà, c'est un peu le principe en l'occurrence. Amen, je suis tout à fait d'accord. Ouais, bah moi pas. Mais après c'est ton avis, hein, pourquoi pas, écoute. Bah merci Nico d'avoir appelé, hein. Bah, et bonne chance surtout. Merci. Bah je t'en prie, à bientôt. Salut Nico. Il y a ta meuf au standard, elle veut te dire un truc. Ah ouais, ta meuf est au standard, elle veut te dire un truc, ouais, effectivement. Je plaisante. Bon, salut Nico. Bah oui, salut Nico, à bientôt. J'ai un petit truc, vas-y. C'est pas pour faire le gratteur, mais bon, voilà, plusieurs fois je suis passé sur Fun et tout, j'ai jamais reçu si je pouvais recevoir un petit truc. Même de l'équipe. Eh ben continuons comme ça, c'est toujours une bonne vibe. Non, on va te filer un pack Fun sans problème, Nico. Ah, oh, c'est super. Enfin, avec plaisir. Moi, un mec super heureux. Bah écoute, tant mieux. Voilà, mais je t'en prie, on va envoyer un nouveau mec à ta meuf aussi. Salut Nico. Tu restes en standard. Je t'en passe sans gros problème. Mais évidemment. Bon, Damien va arriver dans un instant. Je l'avais promis. Fred également là, qui. Hey, Fred. Oui. Bon, on parle de quoi? Déjà première chose, t'es en Bretagne. Comment ça va au niveau du vent là? Bah là, il y a tout qui s'est envolé. Ah carrément. Merde. Même la cage à mon chien, donc. Même quoi? La cage à mon chien. Ah d'accord, ok, je croyais ton chien, putain, je me suis dit merde. D'accord, ok, très bien, oui, donc c'est la galère quoi. Heureusement ils avaient mis ça en alerte rouge chez Météo France, donc bon bah écoute, parfait, on va en parler, parce que je rappelle qu'il y a effectivement beaucoup de vent en Bretagne et que c'est en train de monter un petit peu partout, ça monte jusqu'en Belgique et ça ira jusqu'à l'île de France a priori, donc si vous êtes sur la route faites gaffe, hein. Ah ça vente quand même beaucoup, hein. Ah oui. Bon, on va te récupérer dans quelques minutes Fred, là, reste avec nous, hein. Okay. Bon allez, à tout de suite. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va se faire le son de Shakira et Rihanna maintenant sur Fun Radio. Can't remember to forget you. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue. Mickaël No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. N'oubliez pas de prévenir tous vos potes, hein, qu'il se passe enfin un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe justement tous les soirs entre 23h et 2h du mat. Et le dimanche également de 20h à minuit. Vous vous souvenez la semaine dernière, bah justement il y a une semaine, on parlait du chat là, Oscar, avec l'autre connard là qui balançait le chat au troisième étage là, qui le secouait dans tous les sens. Bref, Bah, j'ai mis la photo du chat, il va mieux, il a une patte dans le plâtre, mais il va mieux. Oh. Voilà, donc la photo est là, et vous pouvez le voir, c'est un petit rouquin, il s'appelle Oscar. Et bon, pendant que Claude Croupy est en prison, au moins il y a Oscar qui est sur le Facebook et qui va mieux. Ah, il est bien, hein. Oh oui, il est petit mignon. Petit coussin pépère, on s'occupe de lui et tout, tranquille. Donc la photo est sur le Facebook de l'émission, vous pouvez aller voir facebook.com/mikl officiel. Bon, je viens de voir sur internet les jobs où on se sépare le plus. Ah, ouais, il y en a pas mal, hein. Donc, en gros, les tafs avec les relations les plus courtes, hein. Et à votre avis, qui est numéro 1 des relations qui ne durent pas? Animateur radio? Non, on n'est pas dedans, nous. Fred? Oui. T'as une idée des métiers qui ont la plus courte vie, durée de vie en termes de couple? Chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Pourquoi pas, mais c'est pas ça. En numéro 1, ton avis, donc pas d'idée non plus? Non, pas du tout. Non, alors, bah c'est dans... Ouais. Ouais, j'allais dire stripteaseuse. Strip, ouais, c'est vrai, non, mais bah c'est danseur et chorégraphe. Ouais, ça rentre un peu, ça. Ouais, en numéro 1, en 2, il y a les barman, barmaid. En numéro 3, les kinésithérapeutes. Bah oui, forcément, massage. Ouais, ça dérape, ça glisse. Alors attends, je suis en train de regarder s'ils sont seulement classés. Numéro 4, c'est infirmière. Enfin, infirmière. Numéro 5, artiste et métier du sport. Ah, si on est dedans, car nous sommes un peu des artistes. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes des saltimbanques. De grands artistes. Numéro 6, bagagiste. Alors là. Ah, ou dans les hôtels alors. Ah, les gens, ouais, qui déposent le... Oui, bonjour madame, je peux vous aider. Vous voulez que j'ouvre les valises? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Peut-être comme ça, parce que moi je voyais bagagiste, tu sais, à l'aéroport. Ouais, non, je vois pas, ouais, comment est-ce qu'il peut se taper une meuf, le mec. Ah ouais, ça dit mannequin. Ouais, oui, peut-être. 7, c'est téléprospecteur. En 8, serveur, évidemment. En 9, technicien de surface. Ouais. Et puis en 10, chef cuisinier. Ouais, je voyais chef cuisinier plus haut, moi, tu sais, genre le mec qui sait faire à manger, tout ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, faut voir. Et vous, les filles, c'est quoi le métier qui vous fait le plus craquer? Et pareil pour les mecs, hein, vous aimez voir une fille, mais quel métier vous aimez qu'elle fasse? Quel métier vous fait le plus craquer? Bon, il y a l'infirmière, évidemment, ouais, hein, ça c'est sûr. Après, il y en a qui vont dire les professeurs aussi. Ah ouais, prof, ça vous excite, vous? Non, mais ça dépend comment est la prof. Vous, t'es... Ouais, ouais, bof. Ouais, prof, c'est pas un métier qui m'a... Enfin, à part, j'ai eu une prof qui m'a un peu excité. Oui, mais... la prof de maths. Oui, d'accord, mais les autres, elles étaient dégueulasses, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, c'est quoi le métier qui t'excite le plus, Fred? Chauffeur poids lourd, je kifferais d'être ça, donc. Ah, tu kifferais d'être... Non, mais d'accord, mais t'aimerais une meuf chauffeur poids lourd? Non, quand même pas, non. Ah, voilà, donc c'est quoi le métier de la... Tu sais, genre, tu rencontres une meuf, et quel est le métier, quelle est la tenue, tu vois, j'en sais rien. Je sais que les meufs, elles aiment bien les pompiers pour l'uniforme, ou les pilotes d'avion, ou les militaires. Bah, moi, je kifferais qu'elle soit serveuse. Serveuse? D'accord. Ouais, okay, c'est pas très compliqué, hein, s'il y a bien un métier où tu peux pécho, c'est... Ouais, ah, bon, c'est vrai. Faut voir après, bah, ça surtout dépend. Surtout quand elle se baisse, des fois on voit son petit string, donc. Ouais, enfin bon, ça dépend des serveuses, hein, parce que moi, les serveuses qu'on a pas loin de la radio, je peux dire qu'elles sont avec un fut ou avec une robe très longue et tu verras que dalle, hein. Ah bah, parce que dans le resto où je vais souvent avec mes parents, elle est souvent en string. Ah, vas-y, c'est où le resto, là? Ouais, moi je vais aller, parce que nous on va passer, hein, t'inquiète pas. Alors, Jugon les lacs, c'est l'écu. D'accord, ok, très bien, bah, c'est noté. Quand on passe en Bretagne, hop, on ira, sans problème. Bon, bon Fred. C'est moi aussi alors. Qu'est-ce... Bah oui, évidemment, ouais. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Fred? C'est que moi en fait voilà, j'ai une copine. Mmh. Et en fait j'ai un petit problème. Dis-moi. C'est que à chaque fois qu'elle me demande de le faire, je détourne le sujet parce que j'ai un micro-pénis, quoi. Attends. C'est-à-dire micro-pénis, quelle taille? 3 cm quand je pense. Une petite bite à mon avis. Ah oui, bah oui, là, effectivement, oui. Mais 3 cm en érection? Oui. Non, mais ah, oui. Sérieux, 3 cm en oui, érection? Sérieux. C'est mon petit doigt. Ah, sur Google pour voir. Non, c'est mon petit doigt. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est la taille du petit doigt, quoi. Ouais, mais ouais. Et alors, et comment ça se passe quand, ouais, t'es pas en érection? Est-ce que tu dois des centimètres à ta bite? Je sais même pas du tout, j'ai même pas calculé quand j'étais pas en rénovation. Donc ça veut dire que si tu laisses des poils pousser, en fait, on ne voit plus rien. Ouais, le gland disparaît. Le gland est protégé par les poils. Oh la merde. Parce que micro-pénis, c'est-à-dire que même pour la branlette. Non, même pour aller pisser, tu peux pas pisser dans un urinoir, t'es obligé de t'asseoir. Ouais, voilà. C'est chaud ça quand même, tu vois, et bah ça c'est pour tous les mecs qui se disent ah j'ai une petite bite alors qu'ils ont une bite normale. Ouais mais attends, mais 3 cm c'est chaud. Non mais oui, mais c'est ce que je te dis. Tu sais qu'on peut faire jouer une fille à partir de 5 cm. Ouais mais il en a que 3. Mais là oui, là il manque 2, c'est assez dommage. Ah, je peux pas mettre une extension. Oh, moi mon père il m'avait proposé un truc, c'est que m'accrocher un poids lourd, accrocher la bite à une remorque de poids lourd et ouais, tirer le poids avec le poids lourd. Mais ça ne sert à rien. Il t'aurait arraché toute la peau en fait. Ouais c'est ça, ouais. Je lui ai dit t'es con. Tu peux essayer les pompes à bite aussi. Mais ça marche pas, les pompes à bite, c'est sur les trucs de cul là, ça sert à rien. Mais oui, aucun intérêt. Bah, bon, tu sais pas, peut-être. Mais non. T'as déjà trouvé Sandro sur un mec avec une petite bite? Pas très grande, j'ai déjà eu, mais pas genre, micro. Non, mais pas très grande, c'est-à-dire? Pas, j'ai pas mesuré. Non, hein, mais grosso modo, est-ce que ça avait la taille, j'en sais rien, moi, d'un stylo? Non, ça allait, franchement, ça allait. Il y avait de quoi s'amuser, mais quand t'as connu plus grand, forcément, tu dis, ah bah la sienne est plus petite, quoi. oui, forcément. Et toi, il a déjà connu une petite bite? Écoute, non, ils étaient tous bien membrés. D'accord, ok, bon, bah, très bien. Dites-nous les filles, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec avec un micro-pénis? Parce que 3 cm, c'est vrai que c'est quand même très petit, hein. Donc ça veut dire que t'es avec ta meuf depuis combien de temps? Ça fait 2 mois. Mais fais-toi opérer, mec. Je sais même pas comment on fait, je sais même pas comment ça marche. En fait, j'avais lu un article, en fait, tu sais, il peut Oui, couper oui, le... il a lu un article. Mais non, oui, j'ai, non, pas, mais non, j'ai non, pas un micro-pénis. C'est un risque, quoi. C'est quoi, non, c'est quoi? Tu t'en fous au bout de moi. Soit tu peux perdre ta bite définitive ou. De toute façon, rien. Tu en as. Hein. Le mec qui a une bite de 15 et qui veut 18, il prend pas le risque, c'est idiot. Mais quand t'en as 3 ou 0. Non, mais c'est ce que font les acteurs porno en fait, certains. En fait, on a l'impression qu'ils ont des bites énormes, ils sont pas nés comme ça. Ils se font couper le. Il y a une espèce de muscle qui tient la bite à la paroi. Ils se font couper ça, c'est-à-dire que ça tombe comme ça, donc tu vois. Donc ça, t'as l'impression que ça gagne 3-4 cm. Et après ils mettent du silicone à l'intérieur. Oh. Mais oui, ils sont siliconés. Ah, comme dans les boobs. C'est du silicone ou une autre matière qu'ils mettent dedans, mais bien sûr. Ah, des mecs, c'est des fausses grosses bites. Et tu pourrais faire ça, toi. En plus, je pense que tu rentres dans la norme. Le problème, c'est que lui, rajouter 4 cm, ça lui ferait jamais que 7, quoi. Donc bon, c'est mieux que rien. Non, c'est mieux que rien, mais c'est pas encore. Ça fait combien l'iPhone? 10 12 Ouais, je crois que c'est 12. De hauteur, hein, de hauteur. Non, c'est plus. C'est non, plus c'est de hauteur. Attends, taille iPhone. Bah regarde la taille d'iPhone là pour voir. Est-ce que ça fait quoi? Oh non, ça doit faire. Ouais, quoi que, je sais pas. C'est un quoi? C'est un 5 que t'as? Ouais, 5. Ouais. Ouais. Regarde la taille, la hauteur. Ah merde, c'est en pouce, fait chier. Ah, ils font chier avec leur pouce. Je dirais 12 comme ça à l'œil. Je dirais 12 cm. Attends, on va regarder. Ouais, c'est ça, 12. 12 c'est 123 mm. Ah ouais, 12,3. Bon bah voilà, 12 cm. Bah 12 cm. Déjà ça va. Enfin, c'est pas énorme, mais ça va. Ouais. 12 cm, ça va, tu peux faire des trucs avec. Mais putain, t'imagines, les mecs en ont 24, c'était quand même deux iPhones, les uns au-dessus des autres, c'est quand même énormissime. C'est quand tu le vois comme ça que tu te dis, putain, c'est quand même violent. Hein. Et pour te faire une idée, c'est la taille de Fred, c'est trois iPhones l'un sur l'autre. Ah oui, le côté plat, quoi. Oui, le côté plat. Ah, le côté plat, ouais, d'accord, ok. Bon, dites-nous les filles, donc, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui avait un micro-pénis? Appelez-nous donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, reste avec nous, Fred. Je ne te garantis pas une solution, mais en tout cas, on va essayer. Ok. Ne bouge pas. Damien, comment ça se passe, toi, en termes de micro-pénis? Non, c'est bon, ça va. Bon, bah, très bien. Bon, d'accord. Est-ce que, du coup, on en parlait juste avant, là. Il y a un job comme ça de meuf qui te fait craquer chez une fille? Péripatéticienne, je crois. Ouais, c'est pute. Ah, et pute, ouais, donc voilà, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est moi, je trouve pas ça excitant. Non, plus sérieusement, infirmière. Infirmière, d'accord, ok. Ouais. Il y a Security qui dit, le pauvre, il n'a pas eu de chance à la naissance. Ah oui, ça c'est sûr. Devers 45 qui dit, comment il fait pour avoir 3 cm en érection? C'est chaud pour lui, pour avoir des relations. Ah bah, bien vu Devers, c'est pour ça qu'il nous appelle, parce que justement, il est en galère. Mais 3 cm, c'est tendu. Hein. C'est ce qu'on appelle effectivement un micro-pénis. Christophe qui dit, moi je kifferais une avocate, une femme intelligente en tailleur. Attention. Faut voir. Les meufs intelligentes ne sont pas forcément futées. Non mais, je préfère préciser. Il y a Axel qui dit... je voulais être cuistot, moi. Ah ouais, mais t'arrives dixième, mec. Hein. C'est donc, c'est con, oh, ça. C'est déjà pas mal, dixième. Il y a Cathy qui dit, Mickaël, ça fait un mois que je veux raconter mon histoire, appelle-moi. Ben oui, mais laisse ton numéro, Cathy. Comment tu veux que je t'appelle si tu laisses pas ton numéro là? Laisse ton numéro, tu m'envoies le mail sur soit via l'application Mickaël Nolimi, enfin Mickaël sur l'Apple Store, soit tu m'envoies un mail mickaël@funradio.fr. Il y a Hugo Réo qui dit, il y a un pote à moi qui m'a dit qu'il voulait pas vous écouter. Je l'ai frappé, on a pris 2 heures chacun. N'allons pas à la violence, Hugo. Ce n'est pas la peine. Les gens viendront automatiquement quand ils se rendront compte que c'est mieux ici qu'ailleurs. T'inquiète pas, Hugo Réo, tout vient à point, à qui c'est attendre. Let's be free, qui dit, bien sûr que j'ai envie de coucher avec Toff, c'est mon fantasme. Oh bah, quel fantasme. Il y a Lan aussi qui dit, mais non, pas Toff, c'est un crasseux. Je l'ai vu l'autre jour près de la Seine dans une cabane en carton. Oui, c'est là qu'il dort, hein. Je confirme, c'est là qu'il dort. Oui, c'est mon nouveau chez moi. Tout à fait. Damien, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? De petits problèmes avec mon sexe. À toi aussi? Oui, non, mais pas au niveau de la taille, c'est autre chose. Bah vas-y, explique, en deux mots. Bah en fait, quand je pars démouler un cake, je sens l'érection. J'ai rien compris. Quand quoi? Quand je pars démouler un cake. On va chier, quoi. Ouais. Je croyais qu'il faisait de la cuisine. Ah, quand tu vas chier, quoi? Bah quand je veux chier, je bande. Oui, bon, c'est pas très grave. c'est pas très grave. Enfin bon, dès que j'ai envie de chier, j'ai la gaule, comme c'est pas permis, c'est quand même un peu délicat, quoi. Oui, c'est bizarre, mais enfin, dis-toi qu'il y a des problèmes plus graves, hein, genre par exemple, Fred, hein, qui a un micro-pénis. Mais ça, j'avais déjà entendu. Ou Toff, qui a un micro-cerveau. Oui, ah, bah, et les deux. D'ailleurs, c'est vrai. Chez moi, tout est proportionnel. Bon, Damien, on va en parler avec toi dans quelques minutes. Essaye juste peut-être de. Je sais pas si t'as le kit main libre ou je sais pas quoi, mais on t'entend difficilement non, pour le coup. Tu n'as pas de meubles chez moi. Ah, t'as pas de meubles, oui, ça c'est problématique. Bon. Eh ben, écoute, on va essayer de faire avec alors. Bah, reste avec nous, du coup, Damien, là. Bouge pas de là. On va se faire aussi tout à l'heure, hein. Ce sera avant la fin de l'émission. Polo contre le reste du monde. Si vous voulez participer à cette grande émission, un animateur à votre écoute. Il est là pour vous aider, pour vous écouter, pour parler, pour dialoguer. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On sera dans une grosse, grosse demi-heure. 01 42 48 5000. Et Tony Junior, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est au cœur de la nuit sans pub. C'est Twerk Anthem. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, des hors-la-loi dans la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Mais oui, on est là sur Fun Radio. Eh oui, continuez à passer le message autour de vous. C'est sur Fun Radio que ça se passe tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du matin. Et puis on est là également, je vous le rappelle, hein, le dimanche soir, c'est entre 20h et minuit. Et ce dimanche, on sera à Noyon, en Picardie. On va aller faire l'émission en direct de chez un auditeur, chez Olivier, un prof de maths qui a une trentaine d'années, qui fait venir ses élèves. Donc on va être en mode à la cool, on va faire l'émission en direct de son salon. Donc si vous voulez venir nous rejoindre sans problème, on sera à Noyon en Picardie. Et demain soir on sera en revanche à Compiègne, en tout cas pas loin, puisqu'on va dès 21h au Speed Park. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour faire un petit une petite séance de karting face à nous. Et puis on va, enfin face ou avec, hein, on n'est pas dans le détail. Et puis on fera un laser game également. Là aussi, si vous voulez venir, les garçons, les filles, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez appeler Sandro, il reste un peu de place encore là. 01 42 48 5000. Et puis on sera vers minuit 30 direction le El Patio. C'est une boîte donc à Compiègne également, avec Jean-Pierre Sauzère. Concert évidemment, Toff qui sera déguisé en lapin, ça va être la folie totale. Oh, le costume est magnifique. Le costume est plus que magnifique. Et pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, Jean-Pierre Sauzère, celui qui chante ça. Voilà. Je sais pas si ça donne la bouche, mais en tout cas voilà. Et alors il chantera ça en direct, donc sur scène, avec Toff déguisé en lapin, en live. Au pays des merveilles, on sera en Picardie et ça va déchirer les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de mes rêves. Merveille. Voilà, donc Jean-Pierre Sauzère avec nous pour chanter, rassurez-vous, une ou deux chansons, hein, on va pas faire l'album complet non plus. Hein. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, là par contre j'ai encore des places pour venir blinder l'El Patio. 01 42 48 5000, appelez Sandro dès maintenant. Il y a Clément qui dit la casse collée un god, il aura une plus grosse bite au moins. Ouais, mais il va, en termes de kiff, il va quand même vachement moins kiffer. Hein. Kevin qui dit salut Mickaël, en direct en Belgique, comme depuis quelques jours, je vous écoute une fois le boulot terminé, continuez comme ça, votre émission devient une addiction. Oh merci Kevin, c'est gentil ça. Johan qui dit aussi une secrétaire avec une avec jupe et bas, pourquoi pas. Ouais, c'est pas demandé, mal la secrétaire. Ouais, avec les lunettes. Je vous avais demandé le métier qui vous fait fantasmer en gros les faciale. Garçons et les filles. Il y a Maxence qui dit putain 3 cm en érection, moi j'ai 13 ans et ça fait déjà 12 pardon. Bah oui Maxence, mais ça c'est une taille normale. Renaud qui dit aussi je pense qu'une bite de 14-15 cm c'était petit. Mais non, c'est pas petit. Tu sais que c'est la moyenne, hein, 15 cm c'est la moyenne. Et en bas c'est pas très compliqué, c'est pas très grave non plus. Let's Be Freaks qui dit les médecins me font rêver. Très bien, Let's Be Freaks. C'est Sony aussi qui dit vous déchirez tout l'équipe. Je vous écoute comme tous les soirs au taf. Pouvez-vous me mettre un message de bienvenue d'encouragement pour tenir jusqu'à 5h du mat? Bah bien sûr Sony, tiens, on va t'en mettre un de message d'encouragement. Vas-y, ta gueule. Voilà, je vais même t'en mettre un deuxième parce que je suis bon prince. Et moi je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans? Voilà. Yamel aussi qui dit je confirme pour la Bretagne, de plus en plus. Attends, en plus je suis à la pointe de chez Pointe. Et en face de chez moi, il y a un champ transformé en lac et du monde fait du kayak. J'ai la photo si tu veux. Ah bah oui, Yamel, avec plaisir. Envoie-moi ça sur mickaël@funradio.fr avec grand plaisir. On va faire les appels de Toff dans 10 minutes. Restez bien là. On va également récupérer notre ami Fred avec son micro-pénis. Là. Toujours là, Fred? Oui, toujours là. Bon, est-ce qu'il a un peu grandi ou pas le micro-pénis, non, depuis tout à l'heure, là? Bah non, je pense pas. Non. Mais tu sais, je crois que tu peux le traiter avec l'émission. Ouais, tu peux peut-être le traiter, effectivement. Tu vois, tu mets l'enceinte ou ton casque sur ton pénis, ça va grossir parce que les bienfaits de l'émission. Bah j'ai un boomer de voiture, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Mais le boomer, un boomer de voiture. Le boomer, je l'ai mis à au maximum, ce qui veut dire j'ai mis à 50. Ouais. À 50. Ouais. Attends, mets le casque ou le truc à fond là. Bah mon père, il a déjà essayé de mettre 3 amplis, enfin 3 boomers de. Ça a pas marché. Camion et parce que sinon je t'aurais mis ça. Attends. Voilà, pour le faire monter un peu là. Ça monte là ? Non, je pense pas. Ça monte là ? Ça monte. Voilà. On est bon là. Ça monte pas là, non ? Non, toujours pas. Putain. Elle est relou ta. Mais c'est vrai que des fois ça me saoule d'avoir un micro. Bah ouais, attends, parce que je suis un peu surpris parce que, vous savez, j'ai une machine avec plein de sons et il y en a un, donc j'ai tuning, saturé, high techno, techno, ouais. Art tech, etc. Et j'en ai qui s'appelle tuning constipé. J'ai peur. Je sais pas du tout ce que c'est, je vais découvrir en même temps que vous. Alors attention, voici le son qui s'appelle tuning constipé. Constipé ! Ah ! Ah ouais. Faut être fan hein, quand même, hein. C'est. Tu me mets dans l'ambiance là, Mike. Ah ouais, ouais, quelle ambiance, hein. Oh, c'est le... On se sent tout de suite, là. Ah, allez, on se sent tout de suite. Je regarderai demain matin et je vous redirai ça sur... Mais fais-toi opérer. Tu sais, ce que je t'ai dit, c'est pas une blague, hein. Ça existe vraiment, fais-le. Non, mais moi, j'ai été renseigner un spécialiste et... Ouais. Il m'a dit, bah, soit... Soit quoi ? Soit rapetisser ou qu'elle va te grandir. Quoi ? Elle ouais, peut plus grandir, là. J'ai envie de me faire opérer pour le lendemain regarder... Ah, j'ai plus de bite. Mais oui, mais après, c'est pas comme si tu perdais grand chose. Regarde, prenons l'exemple d'un mec, il a 5 euros en poche. Voilà, le mec, il a pas un rond, il lui reste 5 euros. Une grosse bite que avoir que... Mais non, mais attends, il lui reste 5 euros en poche. Il n'a que ça, c'est fini. Voilà, après, c'est un clochard. Il a plus un rond, il n'a rien. Tof. Il a 5 euros, voilà. Il se dit, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, j'ai 5 euros, qu'est-ce que j'en fais? Je fais un loto, on verra. Tu vois, au pire, j'en ai 10, au pire, j'ai blindé, ouais. Ou au pire, j'ai plus rien. Bah t'as rien à perdre, enfin si 5 euros mais tu peux rien faire avec 5 euros donc tu prends le risque. Bah là c'est pareil, t'as 3 cm de bite, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, au pire t'en as plus, bah et alors? Et puis même tu risques rien, ils vont juste, je te dis, c'est une opération de, je pense, ils te coupent un petit morceau de muscle, ouais, ça tombe, donc tu gagnes 3 cm et ensuite ils te mettent du silicone. Et quand tu te branles, tu branles à deux doigts? Ah bah je peux pas me branler du coup. Non, tu t'es jamais branlé? Bah non, jamais. Bah si, tu peux te branler à deux doigts. Ah ouais. Ouais, c'est vite fait quand même. Attends, faut préciser que Mickaël a essayé quand même avec le doigt. Ouais, j'étais avec le petit doigt, j'ai mis le pouce et l'index sur le petit doigt et c'est vrai que c'est le va-et-vient relativement rapide. Sinon, il se branle avec des baguettes. Baguettes chinoises. Ouais, mais après, il faut les tenir quoi, ouais, c'est ça le problème. Faut être adroit quand même. Hein, ouais, il faut être adroit, ouais, c'est clair. Mais sinon, je viens de trouver la solution. Hein, ouais, il y a une prothèse gonflable. Donc en fait, ils te mettent un truc à gonfler, puis t'as la petite pompe à côté pour gonfler ta bite. Oh, super. Mais attends, ma chérie, là, il faut que je gonfle le truc. Ah attends, bah oui, mais pas... bon, il y a un moment... Ah, si la fille est vraiment excitée, quoi, si elle a vraiment envie de le faire, 2 minutes après, attends, faut que je la regonfle. Bah, en général, si la fille est excitée qu'elle a vraiment envie de le faire, elle sera plutôt de ces styles de comme dans une caverne, là. Elle est où ? Elle est où ? La bite ! La bite ! Ah non, il y en a... Mon père, il a dit, on va peut-être aller, on va faire, quitte à faire 500 km, on va aller sur Paris. Ah, parce voilà, qu'à Paris, tu auras une grande bite. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il va s'accrocher en haut de la tour Eiffel et puis il va c'est se ça. En fait, Paris, c'est comme Under the Dome, tu vois, c'est-à-dire que tu vois flou, enfin, tu vois agrandi à travers la vitre. Tu peux voler, t'es beaucoup plus fort comme Superman, ouais. Et ta bite fait 2 mètres. C'est ça, c'est une idée aussi, c'est une idée. Bon, attends, il y a François qui est avec nous, là, de Clermont-Ferrand. Salut François. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, est-ce que toi aussi? T'as une petite bite, à mon avis. Ou pas? Moi? Ouais. Non, c'est que j'avais une question en fait par rapport à ça du coup. Ah bah vas-y alors, on t'écoute. C'est pour demander genre 15-16 cm, comment c'était par rapport aux filles en fait? Ah c'est petit hein, 15-16 cm, ouais. Mec, c'est un peu micro pénis aussi hein. Ouais, ouais, là, c'est le stade que... c'est le stade pas évolué mais ouais. Ça reste C'est le haut du micro pénis quoi. Ouais, c'est une grande micro pénis quoi. C'est un grand micro pénis. Voilà, mais ça reste minable quoi. Pourquoi? Non, j'ai un copain qui a pareil. C'est un lui. Copain, ouais. C'est un mytho parce qu'il a appelé pour parler de lui. Comme mais oui. Petit, non, mais... il a dit c'est pour un pote. C'est pas grave. Mais bien sûr. Non, mais c'était pour savoir pour moi. Non, vois, genre... Écoute, la taille moyenne, c'est 28 à peu près. Et donc voilà, c'est pour ça que 15, c'est pas non plus la folie. Ouais, je comprends bien. Ouais. Je vais dire hommage à Loïc. Qu'est-ce qu'il y a, François et Loïc? Non, c'est pas Ah, c'est pas toi, d'accord. C'est chez Fred. Ah, c'est chez Fred, d'accord, autant pour moi. Non, François, on se fout ta gueule, mais t'inquiète, les 15 c'est centimètres, la moyenne. C'est plus que raisonnable, t'inquiète, c'est bien 15 centimètres. Faut pas oublier que les bites que tu vois dans les films porno, là, les trucs immenses, les mecs, c'est des déformations. Hein. Non, exactement. Mais ils sont pas dans la norme. Complètement. Et ils sont choisis exprès pour ça. Sur une population d'un million de mecs, voilà. Ils prennent un mec. Ah, c'est un peu comme quand tu loues une caisse, une Ferrari par exemple. Tu vois, t'es là, t'as je sais pas combien de centaines de chevaux. C'est pas la norme. Ouais. Tu vois, la voiture moyenne est là, j'en sais rien, 100 chevaux, j'en sais honnêtement, rien. Honnêtement, je vais te dire, tu vois, je loue ni de Ferrari et je regarde pas de film porno non plus. Genre, t'as jamais regardé un film de boule? Non, c'est vrai. Pour de vrai, oui. Donc t'as déjà regardé les films de boule? Heureusement. Ah bah voilà. Tout le garçon qui se respecte. Mais évidemment. Non mais tout ça pour dire que, et voilà, c'est pas la norme non plus. Donc 15 cm c'est plus qu'acceptable. Mais oui. C'est la moyenne en fait, c'est bien. C'est la moyenne des gens, ils ont 15 cm. Voilà. Mais après c'est par rapport aux filles aussi, c'est pas par Mais t'inquiète pas, mais 15, attends, tu peux faire jouer une fille à partir de 5 cm. Désolé pour toi Fred. Mais donc voilà, 15 cm c'est largement suffisant. Ouais. C'est largement suffisant. Alors attends, il y a aussi Alexis avec nous là. Salut Alex. Alexis de Paris. Oui. Ah, il est là. Ça va Alex? Ouais, ça va, ouais. Bon, très bien. Alors Alexis, tu voulais aussi réagir toi? Bah oui, moi je voulais réagir. C'était plus par expérience en fait. Parce que du coup, quand j'ai cassé avec mon ex, bah, elle m'a clairement dit que j'avais un petit pénis quoi. Et du coup... Une fois que ça a cassé, ça fait très très mal d'entendre ça. Donc, ouais, mais attends, parce que combien de centimètres? Combien de centimètres? En érection, ça fait 8-9 à peu près. C'est petit. Ouais. C'est pas très grand. Oui, t'es pas considéré comme un micro-pénis, c'est mieux. Note, quand tu réfléchis, c'est 3 fois plus grand que celle de Fred. Ouais, t'as une grosse bite, mec. Voilà, par rapport à Fred, mec, t'es un cheval. Hein. Non, mais d'accord, mais le problème... Quoi... Je sais pas si vous avez déjà cassé avec une fille et elle vous dit ça, c'est... Non, moi, c'est plutôt tendance. En général, quand ça casse, c'est plutôt parce que je fais mal. Non, je plaisante, évidemment. Bah non, mais je sais pas combien la vôtre a fait, mais genre, sincèrement, j'en sais rien, mais elle doit faire la moyenne, elle doit faire 15, j'en sais rien. Oui, mais on se mesure plus. J'ai regardé sur Internet, la moyenne, c'est 13. C'est quoi non, la moyenne? C'est pas 16, hein. C'est pas 16 la moyenne. C'est 14. Hein. La moyenne européenne, 14. C'est 14 ou 13. Voilà, 14, je vérifie. Je suis un peu plus de la moitié, C'est ridicule quoi. Mais c'est pas ridicule. Eh, tout n'est pas dans la bite, tout est dans le cerveau. Et tout est la façon dont tu utilises la bite. C'est que les filles elles réagissent pas comme ça. Mais c'est pas toutes les filles. Mais non, mais pas toutes les filles. Et déjà une meuf qui, franchement, déjà une meuf qui te vire ou pas en fonction de ta bite, c'est déjà une débile, tu vois, je veux dire. Donc à partir de là, laisse tomber. Bon, alors ça y est, sinon j'ai les infos là. Ah, si, ouais, bon. Moi aussi. Alors attention, donc en Grande-Bretagne, ils ont 15,24 cm de moyenne. Ouais, mais ils boivent beaucoup. Voilà. Ouais, bah, je suis à la moitié. Bah ouais. Non, je dis des conneries, pardon. En 15,24 c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus que 12,95 en 2013. Voilà. Donc ça, c'est quand même, ça a quand même diminué en termes de moyenne. Ouais, la moyenne. En 2016 à peu près. Ouais, la moyenne internationale est de 14,5. Et alors, par exemple, là où il y a les plus grandes bites, par exemple, c'est au Congo avec 17,93 cm. Ça va, c'est la moitié de ta bite. Et les plus petites bites. Les plus petites bites sont en Corée du Sud, 9,7 la moyenne. T'es dans la moyenne. Voilà, t'es un Coréen. Ouais, tu peux être également indien avec 10,2 cm ou chinois avec 10,9. Ah oui, c'est haut. Je vais encore rassurer tout le monde. Ouais, je vais encore rassurer tout le monde. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est ce qui est marqué sur le site ou sur lequel je trouve. Tout le monde se rassure si vous êtes obsédé par la taille de votre engin, comme il est marqué. Pour les femmes, c'est bien connu. L'important, c'est surtout que vous sachiez vous en servir. Bon, hormis 3 cm, Fred, hein, désolé. Et puis, une autre étude avait démontré que la taille minimale d'attirance pour une... Ah pardon, autant pour moi. La taille minimum d'attirance pour une femme était de 7,6 cm. Ah oui, enfin, voilà. Là, il t'en manque beaucoup, beaucoup alors, hein, Fred. Bah Fred oui, mais par contre toi Alexis t'as pas de problème à ce niveau là. C'est ça, le vagin il mesure combien? Ça va, je suis 0,4 cm au-dessus, je suis large. Bah voilà, t'es pépère, je sais pas comment il mesure le vagin. Je cherche. Ouais, on va chercher, ouais. Bon, reste là Alexis, Fred bouge pas, il y a Jérôme dans quelques minutes qu'on va prendre. Jérôme? Oui. Oui Jérôme, ça va? Oui, Miguel, donc t'as peut-être une solution toi? Oui, j'ai peut-être une solution que j'ai vue à la télé. Bon, est-ce que t'as le temps, 3 minutes qu'on passe Pharrell Williams, c'est Happy, on te reprend juste après? Oui, pas de soucis. Parfait, alors ne bouge pas de là, on va revenir. C'est Mickaël No Limit, bienvenue sur Fun Radio. On parle des micro-pénis, on va faire les appels de Toff dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son de Pharrell Williams, c'est maintenant. Et c'est Happy sur Fun, bonne nuit tout le monde. Fun Radio. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon on fait bardée. Et aussi ça... Allez vous faire foutre, espèce de tête de con, là. Bref, le seul endroit où vous allez vous la kiffer, c'est sur Fun Radio. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ah oui, effectivement, je confirme, là il est 1h33 sur Fun Radio. Il y a plein de messages qui sont arrivés, il y a le petit filou qui dit est-ce possible d'avoir un message de bienvenue pour ma copine qui écoute en ce moment l'émission pour la seconde fois. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, elle sera contente, le petit filou. Adrien qui dit c'est pas la taille du bateau qui compte, mais la forme des vagues. Oui, c'est bien vu, ça, Adrien. Sarasvati, j'adore les comparaisons de Mickaël. Oh, yeah, bon, en fait, ce qu'on peut. Valou aussi, le son que tu viens de mettre, Mickaël, ça me fait vibrer la tête avec mon masque. Ah, bah oui, le son de Pharrell Williams avec Happy. Yaku aussi, comme message. Secret Key qui dit ma bite mesure 21 cm. Oui, c'est une meuf, mais oui, c'est ça. Et Gwenel qui dit. Je rentre de La Rochelle en camion avec ce vent de merde. Heureusement que vous êtes là pour me faire passer le temps. Ah ben, faites attention d'ailleurs hein, ceux qui sont sur la route là. Faites gaffe, ça souffle beaucoup apparemment. Et puis bon courage à ceux qui effectivement sont obligés de sortir ou en tout cas travaillent dehors. Voilà, surtout ceux qui sont évidemment du côté ouest de la France et en Belgique aussi d'ailleurs où ça vente pas mal. Bon, avant de récupérer Jérôme comme promis, on va faire les appels de Toff en speed là. Hein, appels de Toff, puisque depuis tout à l'heure, on est tombé sur une enquête qui disait que 43% des hommes préféraient dorénavant que leur meuf ne s'épile plus. En tout cas, au niveau du sexe, hein, pas forcément les jambes, heureusement. Mais en tout cas, que le sexe reste naturel. Oui, qu'on ait le buisson pas mal taillé. Voilà, ce qui est quand même très très laid, faut quand même le dire. Forêt vierge. Complètement. Donc on y va, on va appeler maintenant les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, comme chaque soir, toph@funradio.fr. Allez. Puis on écoutera Fat Boy Slim aussi tout à l'heure. Et ça ne décroche pas. Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir comment votre mari aime que vous vous épiliez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir comment vous aimez que votre femme s'épile. Et qui vous êtes ? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Et vous appelez à... Vous m'en demandez comment ma femme s'épile. Non, comment vous aimez qu'elle s'épile, monsieur, c'est différent. Ouais, foutez-moi la paix. Oh. Ah bah non, monsieur. Je suppute que nous soyons en Corse. Oui, on dirait bien. Vu l'accent, on va le rappeler. Allez, c'est reparti. Allez, la Corse. Allô ? Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je comprends pas, parce que qu'est-ce que vous voulez ? Ben, comment vous aimez qu'elle se taille le buisson, monsieur ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Explique-moi. Ben, c'est juste pour savoir, monsieur, enfin. Comment c'est pour savoir ? Tu m'appelles juste pour ça ? Ben oui. Eh ben, va emmerder quelqu'un d'autre, va, connard. Ben, attendez, vous pourriez répondre. Va te faire voir, va. Ben, vous pourriez répondre à la question, monsieur. Non, il est reparti, on va le rappeler encore un petit coup, là. Il avait l'air à point, là. Il est parfait, je pense. Oui, monsieur, enfin, c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Ouais, mais qu'est-ce que je tiens ? Dis-moi, qui tu es ? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Eh, qui Toff ? Va te faire enculer, t'as compris ? C'est clair maintenant, ça. Ben oui, j'ai compris, mais ça répond pas à ma question, monsieur. Va te faire enculer, je te dis. T'as compris ? C'est français, ça. Mais oui, mais ça répond pas à la question, monsieur. Va, Pinsou, va, on mange merde. Ah, casse les couilles à quelqu'un d'autre, va. Mais monsieur, vous voulez pas répondre plutôt à la question ? Va te faire enculer, va. Mais non, monsieur. Ah si si, t'as assez, va te faire enculer, va. Bon, on le rappelle encore un coup, puis après on l'arrête hein. Allez, c'est pour moi, c'est moi qui régale, c'est parti. 1h36, on est bien. Et on récupère promis Jérôme juste après. Monsieur, ouais. Monsieur, vas-y, explique-moi. Il y a un souci, explique-moi. Mais oui, il y a un souci, monsieur, je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Je t'explique, tu vas te faire enculer, est-ce que c'est français ce que je te dis ? Mais oui, mais ça ne répond pas à la question, monsieur. Ça ne répond pas à la question, alors je te dis, va te faire enculer. Ça répond toujours pas à la question, monsieur. Et voilà, ça te va comme ça ? Bah non ! T'as que ça à faire dans la vie. Bah T'as pas une femme à contenter, non, c'est pas... Non, comme tu es con, ça m'étonnerait que tu es une femme, tu vois. Alors tu passes ta vie à faire chier les gens, c'est ça ? Mais non, pas du tout, monsieur, moi je vous pose juste une question. Va te faire enculer, je te dis. Ah bah non, voilà. Monsieur, c'est pas gentil. Je te dis, va te faire enculer, tu vas encore me rappeler. Bah oui, parce que vous répondez pas à la question, donc je suis bien obligé de vous rappeler. Je te dis, va te faire enculer, voilà. Oui, mais c'est pas une réponse, ça, hein, monsieur. Moi, je te le dis, voilà. Bah oui, vous me l'avez dit, monsieur, maintenant, ouais, vous pouvez répondre à la question. Ouais, on va pas passer la soirée à t'expliquer, hein, oh. Bah, allô ? Ah bah non, il a raccroché, nous, voyez donc. Oh, bah, dommage, tant pis, c'est pas grave. Bon, si on a le temps avant la fin de l'émission, on en appellera encore un petit, là. Si vous avez des numéros de gens qu'on peut appeler, n'hésitez pas. toph@funradio.fr sur le mail de Toff, on l'appelle encore avant 2h du matin si on a le temps. Bon, Jérôme. Jérôme? Oui, oui, je suis là. Ah voilà, là. Jérôme qui était là pour essayer de sauver Fred, le breton qui a un micro-pénis. Alors Jérôme, toi t'appelles de Franconville dans le Val d'Oise. Ouais, et tout à fait. Tu aurais a priori une solution. Voilà, moi j'ai vu une fois, c'était un hindou qui faisait ça, il s'était allongé la bite. En fait, tout simplement mettant une pierre autour. Bon, il arrivait à faire le tour et il l'étalait et apparemment ça l'avait étiré. Non mais t'es sérieux là, Non mais Jérôme. Attends. Eh, hey, temps mort, j'ai vu, je sais ce dont il parle. En fait, ça, c'est des mecs, des religieux hindous, ouais. Mais qui font ça pour se faire souffrir, tu sais. Ils sont toujours à poil et tout. Ah, c'est ça, non? Ah, oui. Oui, mais ils le font pas. Ils le font pas. À s'allonger. Mais ils le font pas pour ça. Eux, ils le font pour se faire souffrir, en fait, pour. Tu sais, pour dépasser le stade humain, tu vois, pour ouais, c'est un peu comme ceux avec leur cou là. Non mais pour allonger, oui. Ils peuvent aussi l'allonger, ouais, mais oui. Bon. Mais c'est pour atteindre le nirvana, puisque le corps n'a pas d'importance, et ce qui est important, c'est l'âme et l'illumination. Voilà, mais je me dis que ça peut peut-être l'aider. Mais non, il va avoir un truc de 150 mètres, mais il pourra pas bander. Bah oui, c'est ça, tu sais, à partir du moment où t'as une espèce de merde qui pend, ça sert à rien si ça monte jamais. Bah, il s'en tira peut-être mieux. On veut de la grosse bite bien dure. Pas sûr. Bon, bah ouais, là malheureusement attends, il y a Hugo aussi qui est avec nous là, on l'a pas compris là, de Campan. Salut Hugo. Oui. Ça va bien? Ouais, tranquille et vous? Bah écoute, ça va bien Hugo. Alors, vas-y, je t'écoute Hugo, t'as un conseil? Non, en fait, j'ai un problème. Ah toi aussi, décidément, on est dans la soirée des problèmes. Qu'est-ce qui va pas Hugo? Oui. En fait, je pense que j'ai un petit pénis. Ah toi aussi. Là, on a la soirée tu le vis mal par contre. Hein. Voilà, petite bite FM, bonjour. Bon. Petite bite FM. En fait, on a les plus bonnes meufs, mais on a les plus petites bites. Oui, bah, c'est pas grave, ça me convient parfaitement. Bon, non, Hugo, qu'est-ce que t'appelles petite? Genre 5 cm. Oui, c'est petit, oui, je. T'as une petite bite, à mon avis. Ouais, enfin, c'est plié, là. Hein. Pense à tous ces Congolais qui en ont une de 18. Ah, bah, minimum. Hein. Michael, moi, j'ai un souci. Hein. Elle est trop grande, faut que je la plie en deux pour la rentrée. Jean et Lodis la ramène, là. Elle fait combien, Jérôme? Non, elle fait 23. Ça oh, passe. L'autre. Et tu peux pas en donner un petit peu, pas là dire. Bah oui. Je peux en donner un peu, ça me dérange pas. Attends, tu la coupes comme du saucisson, tac, tac, tac, tac, tac, hop, et tu donnes les morceaux, là. Bah oui. Après, le don d'organes, le don de bite. Voilà. Bah ce serait bien. Eh, cela dit Fred. Oui. Bon, c'est vrai que tu peux pas faire kiffer une meuf avec ton petit sexe, mais ah ouais, il peut faire tout. Tu peux voilà, avec 3 cm, tu peux quand même lui faire un petit avoir un petit orgasme clitoridien. Ouais, j'allais dire déjà à chaque fois que ma copine est avec moi et qu'elle commence à mettre la main, bah je lui enlève la main. Donc Et tu m'étonnes, mais tu bandes pas comment t'expliquer? Toi par contre, tu dois devenir le spécialiste du préliminaire. Ah ouais, c'est-à-dire que tu dois avoir une langue et un doigté particulier, hein. Tout ça. Toi tu dois être bon là-dedans, enfin ça dépend. T'as déjà pratiqué ou pas du coup? Bah, lécher les doigtés, oui. D'accord, ok. Et la meuf, elle se dit pas un moment, bah pourquoi tu veux pas que je fasse? Elle doit dire à toutes ses meufs, ah, il s'occupe de moi, il veut même pas que je m'occupe de lui. Ah, c'est génial. Attends, ma chérie, quand tu vas voir. Voilà, quoi, j'ai peur de sa réaction. Bah oui, il y a Eddie aussi qui dit, j'ai une solution pour celui avec son micro-pénis. Il me présente sa copine. Oh. Il y a Tirefall qui dit aussi, faisons une pétition pour comme pour Justin Bieber, mais cette fois Toff pour le virer de cette galaxie. Et Sarah Svati qui dit, quand Toff ira en vacances en Corse, il va se faire défoncer. Ah oui, ça je te confirme, ça va pas traîner. Toff, il a une tête bizarre. Ah bah il a une tête de bite. Merci. En gros, c'est ça. Hein. Oh, je dirais plus qu'une tête de bite. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Clément qui dit, moi ma bite mesure 15,2 cm. Tu peux demander si ma bite convient à Sandro. 15 cm Sandro. Oui, c'est très bien. Bah voilà, tu vois. Et le record du monde, c'est 60 cm. Si je m'en rappelle, il faisait un nœud avec, et j'ai vu ça sur une photo, c'est Yvan. Ou alors c'est un cheval, hein, mais encore. C'est des maladies. Bah, c'est pas le possible. Gars, 60 cm, tu peux pas baiser. Putain, 60 cm. Mais il faut une troisième jambe dans ton pantalon. Ah ouais, ça fait 3 cm. Quand il baisse, il essaye de la toucher de loin. Grave, mais t'imagines, tu peux être ta meuf, tu peux voir ta bite dans la gorge. Ouais. Non mais quasi. Hein. Tu la prends par la jambe et tu la fais tourner autour du feu. Voilà, pourquoi pas, ouais. C'est quoi, il y a un échange là? Le festival. C'est le festival. Bon, Fred. Oui. Bon, à part voir un médecin et éventuellement demander des conseils, là comme ça. Enfin, c'est un chirurgien, il faut que t'ailles voir. Ouais, enfin, un chirurgien, éventuellement, je sais pas. Là, j'ai pas trop d'idées, Fred. Éventuellement, ah, on peut te rencarder dans le VinFun, Fred. Peut-être qu'il y aura une idée avec le doc, je suis pas sûr, hein, mais peut-être. Ouais. Écoute, c'est toujours ça de prix, Fred. Hein. Et sinon, après, je fais une dédicace aussi après. Bon, bah, vas-y. Attends, il y a Jérôme d'abord qui a peut-être encore un truc. Sinon, quoi, ce Jérôme? Ouais, bah, sinon, il a plus qu'à prier. Oui, bah, je suis pas sûr que ça fasse grandir sa bite, hein. On sait jamais, les miracles, ça arrive, hein. Oui, oui, bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Essayer d'aller à l'Ourde, pourquoi pas. Toff arrive à pêcher des meufs, donc ouais, comme quoi, c'est possible. C'est vrai, tout est possible. Alexis, François, encore un truc à ajouter? Parfait, c'était impeccable. C'était là, je pense que vous avez été les meilleurs sur le coup, là. Vous avez été au top. Jérôme, merci beaucoup d'être passé, en tout cas. De rien. Et tu reviens quand tu veux, salut à toi. Y a pas de soucis, salut. Ciao. Hugo, bah du coup, on va te filer dans le VinFun aussi, tiens. Allô? Comment ça, non? J'ai pas entendu en fait. Non, je dis on va te mettre dans le VinFun aussi avec Fred, tiens, pour le même problème, avec un peu de chance le doc il aura une solution pour vous. Ah non. Je crois, non mais... Sinon moi j'avais une solution pour Hugo, hein, c'est qu'il peut essayer la sodomie, au moins ça rentrera plus facilement. Ah oui oui, ça c'est une certitude, hein, en effet. Non, c'est toujours sans prix. Allô. T'imagines, ouais. Fred il a. Oui c'est bon, t'es Hugo, t'es déjà avec nous là. Imagine t'es la meuf de Fred, elle a des fesses un peu bombées, le mec il arrive pas à rentrer. Non Fred non je pense un peu. Fred il peut pas je pense. Mais Hugo avec 5 ça doit aller quoi. Ouais, tu vois, il aura juste vrai. Le blanc à l'intérieur, ça, tu vois, ça sera nickel, ça lui fera jamais mal. C'est vrai. Bon Hugo et Fred, on va vous renvoyer au standard, on va vous rappeler dans le VinFun sans problème. Et Fred, tu voulais ajouter un truc? Ouais bah faire une dédicace déjà. Eh ben vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Bah, ma copine. D'accord. Eh ben, écoute, très bien. Qui en plus, si tu lui fais une dédicace, elle entend, donc elle sait maintenant que t'as un micro-pénis. Au moins, la faire est pliée, comme bah, ça. Bah, en fait, là, je l'ai sur Facebook et elle a entendu. Ah, vas-y, on l'appelle non, pour voir ce qu'elle en pense. Eh ben, voilà. T'as son numéro, là, sous la main ou pas? Tu veux qu'on l'appelle? Bah, oui, j'ai son numéro. Ah, bah, attends, on va te repasser au standard. On va prendre le numéro de ta copine, Fred. On va l'appeler, là. On va l'appeler juste après le son de Fatboy Slim avec Hit Sleep Rave Repeat sur Fun Radio. Restez là. There was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing, but. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et effectivement, en direct sur Fun Radio, 1h48, il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer. Si vous voulez participer à cette grande émission avec un animateur à votre écoute, un animateur qui peut vous aider, un animateur qui est là pour vous, n'hésitez pas, appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Secret Kikili. Je parle de Mickaël No Limit à des amis de promo. J'en ai embarqué une pour l'instant, c'est déjà bien. Secret Kikili a pas mal. Margot qui dit encore 15 minutes avec la bande de petits pénis, que vous êtes mort de rire, je vous adore. Ludwig qui dit vaut mieux d'avoir une petite qui passe partout qu'une grosse qui reste à la porte. Ouais, c'est vrai Ludwig, mais quand elle est toute petite, c'est compliqué aussi. Il y a Morgane qui dit coucou à vous, toujours opérationnel pour vous écouter, bisous. Et Jean-Pascal qui dit un bonjour de la Réunion. Je suis toujours au rendez-vous car heureusement il y a une radio à écouter. Heureusement il y a une radio à écouter de beau matin. On fait le morning à la Réunion. Non mais je crois qu'il est 4h ou 5h du matin à la Réunion là. Ah oh, t'imagines les pauvres, t'es le réveil qui sonne. Eh tu es enculé. Eh va te faire enculer. Voilà. Alors 11h je vais te péter en levrette pour le trou du cul. Voilà, bienvenue à la Réunion, bienvenue aux Réunionnais qui nous écoutent là actuellement en direct. Et les Canadiens qui ont qui les 15, et les 16h. Canadiens, non là il est 20h là, presque 20h. Bon 20h ça va. Ouais. Enfin quoi qu'ils ont ils ont la police des ondes là-bas, ils sont tellement barrés là-bas, c'est des psychopathes. Hein. C'est comme aux États-Unis, tu peux rien dire. Tu peux même pas dire merde, par exemple, c'est censuré, c'est scandale si jamais ça arrive. Ah, il faut mettre un bip. Ce serait l'émission bipée. Oh, nous, il y aurait bip. Ah ben il y aurait que du bip tout le temps. Et pourtant, quand tu vois les clips, ça y va quand même. Hein. Ah ouais, mais ça c'est pas grave. Ouais. C'est comme les images des films, tu vois. C'est comme aux États-Unis, tu peux avoir des gens qui se font buter la gueule, ça, tout éclate de partout. Mais par contre, il va y avoir un fuck, ça va être. Voilà, ça sera bipé ou transformé, c'est bizarre là-bas. Il y a Rouge Ruby qui dit je voulais juste vous remercier, je vous écoute chaque jour, ça me fait du bien. Bah, c'est gentil Rouge Ruby et Hugo, Uxil, ne changez pas toute l'équipe, vous êtes super bon, je pourrais avoir un message de bienvenue. Ce serait super sympa de votre part. Merci la meilleure radio, c'est Fun Radio. Merci Hugo, message de bienvenue avec grand plaisir. Va te faire enculer, sale pédé. Virgile aussi, un petit message de bienvenue. J'ai ramené la moitié de mes potes Facebook. Ah bah alors vas-y, évidemment, on va t'en mettre un, Virgile. Attends. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, et merci en tout cas pour la pub, Virgile. C'est super cool de ta part. Bon, allez, tous les messages qui arrivent encore, hashtag et Mickaël, continuez, n'hésitez pas. Et puis on va dire au revoir à Fred. Hein. Fred, donc du coup. Ah oui, non, je suis con, on va appeler la copine. Je suis bête. Oui, c'est qu'elle a oublié son téléphone, mais c'est bon, elle l'a trouvé. Ah, elle l'a trouvé, très bien. Donc Fred qui nous avait appelé parce qu'il a un micro-pénis. Sa meuf le savait pas. Et bah, comme il a fait une dédicace à la fin de l'émission pour sa meuf, elle est maintenant au courant. Donc on va l'appeler en direct, hein, et donc voir un peu, prendre un peu la température. Allez, c'est parti. Comment s'appelle? Priscilla. Putain, t'as oublié, mec, tu hein. Comment elle s'appelle? Merde, c'est laquelle qu'on appelle? J'ai oublié. Thérèse, Marguerite. Ah non, Priscilla. Je ne sais pas d'où j'ai sorti les Marguerite et Thérèse. Non, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Dans l'autre dimension. Je pense. Merde. Priscilla. Allô? Allô? Priscilla. Allô? Priscilla? Ça va ou quoi? Priscilla? On est dans un film d'horreur. Qu'est-ce qui t'arrive, Priscilla? Pourquoi tu parles pas? C'est quand ils doivent dormir. Ah, tu dors avec un petit frère ou quoi, non? Priscilla. Priscilla. C'est un petit pénis. Ouais. Ça fait quoi de savoir que ton mec, il a une petite bite? Enfin, c'est pas petit, c'est encore au-delà de tout, là. Chut. Tais-toi, Fred, tu fais du bruit. Priscilla. Priscilla. Bon, la conversation est un petit peu... limitée. Oui, très limitée. En fait, elle est... C'est une micro-discussion. C'est une micro-discussion, voilà, c'est ça. Je pense que la discussion ressemble à tout ce que tu peux faire sexuellement avec ta bite. Je pense, en tout cas. Bon, écoute, Priscilla, j'imagine que tu dormais, ou en tout cas, il y a des gens qui dorment autour de toi, donc ça va être difficile de t'appeler, c'est pas grave. Je te fais quand même des gros bisous. Bah, Fred aussi, du coup, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, pas de soucis. Salut à toi, Fred, et puis salut à Priscilla au passage, bien entendu. Damien également avec nous. Allô, dame? Oui. Ah, dame, de retour, donc, qui appelle de Saint-Chamond, dans le 42. C'est à côté de Saint-Étienne, ça. Voilà. Ah bon, c'est ce qui a marqué dans le standard? T'appelles d'où? Non, je suis pas de... T'es pas de Saint-Cham, hein? Bon, c'est bah t'appelles d'où alors, Damien? De 18. De 18, effectivement, c'est pas loin. Non, mais c'est juste normal. À côté. Puisque tout a changé. Ouais, c'est non. Vrai. En fait, je rappelle que l'Oise est passé dans le 65. Le gouvernement s'est rassemblé il y a 3 ans. Peut-être que j'ai bougé de département. Ah c'est voilà, ça. C'est ça. Le gouvernement... Ouais, le gouvernement a dû faire exprès de mettre le vent pour bouger les départements à gauche à droite, ouais. Bon, Damien, écoute, c'est emmerdant parce qu'on comprend pas tout ce que tu racontes. Je sais pas ce que tu fais avec ton téléphone, s'il est tout près de ta bouche. Vous m'entendez pas bien, là ? Bah, bof, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire, nous, avec le casque, c'est compliqué, mais alors j'imagine, comme d'hab, les routiers, en plus, avec le vent et tout, là, maintenant, là, je pense qu'on est au top. Hein. Attends, essaye un peu, on va s'imaginer qu'on est dans le camion, là, pour voir. Ouais. Attends, essaye juste de... Attends. Vas-y, parle pour voir. Là, c'est bien, là. Ah ouais, parfait. Parfait, c'est bien. Ah c'est génial. Ah vas-y explique. Là on t'entend mal. On t'entend mal. On t'entend hyper mal. Damien. Oui. Accroche-toi. À quoi? Accroche-toi à n'importe quoi, on s'en branle. On a perdu Tom. Putain, tant mieux. J'espère pas 10 de retrouver là hein. Bon Damien. Oui. Bon qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que j'ai des orgasmes quand je me suis. T'as quoi? Des orgasmes quand je me perds le cul. Oh merde, j'entends rien Damien. Oh, là pas. T'es pas sérieux là. Bon écoute Damien, tu veux pas essayer d'avoir un autre téléphone et on te rappelle je sais pas dimanche éventuellement en début d'émission? Un autre téléphone, ça va être compliqué, ouais, j'ai un pauvre machin. Oh, on comprend rien. Tu comprends rien. Je ne comprends rien. J'entends blablabla. Non mais c'est ouf, on n'est pas de mauvaise volonté Damien, là c'est juste qu'on comprend pas. Écoute, je sais pas. Lui, écoute, en... Bon, Damien, écoute, je vais te renvoyer chez Sandro. Promis, on te rappelle dimanche, on va essayer d'arranger un truc. Ou lundi, au pire, comme dimanche, on sera en direct de Noyon, là, chez un auditeur de fun, chez Olivier d'ailleurs. Et puis, on va essayer de trouver une solution à ton problème quand on déjà on le comprendra. Hein, ça, ce sera déjà la première solution qui pourrait être pas mal. Donc, bon, bah, écoute, c'est pas grave. En attendant, on va faire. Polo against the rest of the world. Et puis je rappelle, on fera le top tweetos dans quelques minutes. Il y a Let's Be Freaks qui dit Mickaël en mode morning à la réunion, trop bien. Ah bah ouais, ouais, ouais, là on est au top. Hein. On va rembourser les factures bientôt. Ah. On va vers la ligne anti-relou, mais que pour la réunion, c'est cool. En vrai, bon. Ce qui veut dire que le morning là-bas passe à 15h. C'est dingue. C'est pas mal. C'est dingue. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a Let's Be Freaks qui dit aussi pour la Saint-Valentin, j'ai prévu d'attendre Tov nu dans mon lit. Bah, écoute, prévois quand même la chemise de nuit pas loin, tu risques de prendre froid. Hein. Et il y a Paul aussi qui dit il y a du vent, certes, mais du moment que ma radio s'envole pas pour pouvoir écouter Mickaël, nos limites, c'est le principal. Merci Paul PC. Et alors Marine aussi qui dit en Lorraine, on s'envole avec un vent à 110 km/h, donc impossible de dormir. Du coup, c'est une bonne excuse pour écouter Fun en Lorraine. Mais attends, j'ai mis la carte. La carte des vents, enfin pas des vents, mais des vigilances de la Météo France, et en Lorraine, ouais, c'est un peu, c'est soyez attentifs, mais ça va, c'est pas la folie non plus, hein. Y a que sur la pointe bretonne où c'est, vigilance absolue s'impose, et dans le reste, dans tout l'ouest, jusqu'à l'île de France, là, c'est soyez très vigilants, et voilà, après, ça va, c'est pas la folie. S'il y a déjà 110 km/h alors que c'est censé être jaune, donc pas très grave, j'ose même pas imaginer quand c'est orange et rouge. Enfin, je le verrai parce que moi je rentre à Bruxelles ce soir en voiture, donc à mon avis, je crois je vais être pas mal. Je pense que je vais être en paquebot ce soir. Mais en plus, ça va t'aider, ça va te pousser, tu vas aller plus vite. Sauf si j'ai le vent en gueule, en pleine gueule. Ah, c'est. Ou alors c'est si je l'ai sur le côté, tu vois, je vais rouler avec le volant complètement de travers pour rester droit. Oh, ça va être rock'n'roll, je pense que le retour va être sympathique. Bon, eh ben on va se faire polo contre le reste du monde, against the rest of the world. Yes, it's me. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, cette grande émission qui est spéciale micro-pénis ce soir. Vous êtes sur Fun Radio, n'oubliez pas, et vous êtes avec Polo. Qui est là ? Kevin ? Ouais. Ouais, je t'écoute. Vas-y, bah, les petites bites, c'est meilleur que les grosses bites. Sérieux ? Sullivan ? Moi, j'ai une petite bite, mais elle fait de beaucoup d'effets. Je comprends pas. Sébastien ? Oui, allô ? Ouais. Oui, bah, alors Fun Radio, vous avez tous des petites bites parce qu'énergie. C'est faux, c'est faux, c'est faux, Sébastien, casse-toi d'ici. Allô ? Qui est là ? Ah, il y a personne. Anonymous ? Oui. Voilà, en fait, Polo, je vous appelle parce que je voudrais monter le club des petites bites anonymes. D'accord. Et en fait, on cherchait un parrain et on se disait que peut-être... enfin, vous êtes le premier nom qui est sorti, quoi. Ah, ça, c'est sympa, ça me touche, vraiment. Kevin, le retour. Ouais, Tof, montre-nous ta petite bite, Tof, vas-y. Sullivan, dans bon, Polo contre le reste du monde. Calme-toi, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler quand je parle, ça sert, c'est, on t'entend pas. Sullivan. Pardon, je voulais dire qu'ils ont tous des petites bites soft off, il n'y a que toi qui une belle bite. D'accord, merci pour la belle bite. Qui est là ? Qui es-tu ? Mais c'est qui ? Je ne comprends pas. Ah, il paraît que t'as une petite bite. C'est vrai ? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, moi j'appelle pour vérifier. Bah non, j'ai une bite normale quoi. Non, il paraît que t'as une petite bite. Bah non, c'est le membre... Écoute, là, je la pose sur la table, là. Non, t'as une petite bite, arrête ton cinéma, là, je suis sûr que t'as une petite bite. D'accord. Anonymous, le retour. Oui, et donc voilà, donc on va faire notre première réunion, je pense, la semaine prochaine. D'accord. Donc du coup, comme bon, voilà, tout le monde est au courant pour la taille de votre sexe. D'accord. Ce serait bien que vous preniez la parole en premier, quoi, pour un petit peu libérer les membres, quoi. D'accord. On va relâcher les membres. Kevin, le retour dans Polo. Ouais, venez tout ça en top. Attends, deux secondes. Et en fait, ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que si je parle et qu'ils me parlent en même temps dessus, on n'entend pas. Enfin, c'est, je sais pas, ça paraît logique, c'est ça, c'est le principe d'une discussion. Donc, Kevin, je t'écoute. Ouais, venez tout ça en top, vous verrez des grosses bites. Parfait, Kevin. Sullivan, le retour. Ah, moi, je voulais dire j'ai une grosse bite, mais je fais pas d'effet avec. Tu fais pas quoi ? D'effet. Ma copine, elle sent rien. D'accord, mais c'est parce que peut-être que t'as une petite bite, en fait. Petite bite ? Ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est Polo contre toutes les petites bites du monde. Anonymous, le retour dans Polo contre le reste du monde. Oui, voilà, donc je voulais savoir aussi si vous pouviez m'envoyer une photo pour mettre sur les flyers de l'association. Mais quoi. Tu veux quoi, une photo de ma tête ou de ma bite? Bah, si on peut avoir les deux dans le même angle, ce serait bien, quoi. Ah, attendez Anonymous, hein. Kevin, le retour dans Polo contre le reste du monde. Ouais, je t'aime, Mickaël. Merci, je t'écoute. Changez pas, restez comme vous êtes. Ok, merci, on comptait pas changer. Petite bite, t'as quelque chose à dire pour... Eh, t'es enculé, si tu me raccroches encore une fois, je te pète ta gueule, ta petite bite de merde. merde. Eh, qu'est-ce qu'il dit? Petite bite. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite bite. C'est pas vrai. Bon, c'est de la merde. Tiens, je t'en raccroche au nez, petit con, va. Kevin, pour terminer ce polo contre le reste du monde. Oui. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. C'est de m'avoir trop baisé. Allez, casse-toi, Kevin. Et pour terminer, Sullivan. Aïe. J'ai trop de couilles qui baillent. Aïe. Oui. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Allez, casse-toi. Et pour terminer ce polo contre le reste du monde, Anonymous. Oui, donc voilà, donc on compte sur vous, hein, monsieur Polo. D'accord, je serai donc... Je serai parrain des petites bites anonymes. Voilà, exactement, je vous remercie. Je te remercie, Anonymous, ainsi s'achève le Polo contre le reste du monde, cette grande émission qui, un jour, disparaîtra. Ah bah probablement, oui, ça c'est une certitude, hein, c'est même indéniable. Est-ce que dans l'anonyme, pour les petites bites anonymes, il y a aussi un truc genre salut, ça fait 3 c'est mois ça, maintenant. Bonjour, je suis Polo plus, et voilà, c'est ça. D'accord, ok. Non mais comme ça moi je sais très bien. Bon, 2h01 sur Fun, on va se faire le top tweetos maintenant. On va élire. Enfin on va pas élire, on va juste vérifier quel est le quatrième meilleur tweetos de la soirée. Et il repartira avec un sextoy offert par Passage du Désir.fr. Bien sûr. On y va. Merci le numéro 1. Numéro 1. Let's be free. Évidemment, qui a été la meilleure tweetos ce soir. Numéro 2. Paul PC28. Numéro 3. Grégoire. Numéro 5. Paul PC28. T'as déjà dit ça, me semble-t-il, non? Oui, je sais, mais il y est deux fois. Comment ça, il y est deux fois? Bah, parce qu'une fois, il est avec son compte normal. Et il a tweeté avec deux comptes, d'accord, ok, il très a bien. Triché. Ok. Et enfin, le numéro 4, qui est donc le ou la gagnante. Magda. Qui a déjà gagné, donc on va se voir au numéro 5, 6, 7. Alors, Cédric, il a déjà gagné. Christophe, il a déjà gagné. Hugo Réo, je sais pas. Sinon il y a Margot qui a jamais gagné là. Ah bah voilà, bah Margot, parce que Hugo Réo est un petit peu jeune pour prendre un petit sextoy. Ouais. Voilà pour Margot, bravo à elle. On va se quitter maintenant avec le générique, bien entendu. Allez, c'est parti, on y va. Générique, est-ce que Polo va encore foirer ou pas? Il y a de fortes chances. Biche. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, toi te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton oncle devant mon gueule. Hop là, foiré. Tu veux dormir ou bien on a toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je passe ici. Ferme ta gueule, je t'adore ton cul. Brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Et moi, je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans. Qu'est-ce qui se passe ici? Va faire foutre, salopard, connard. Quel cochon de mots, que veux-tu? Ils sont canadiens. T'as une petite bite, à mon avis. Je te mets de l'acide dans ton cul. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à te sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer, ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, merci Lou, comme d'habitude. Merci d'avoir été au taquet ce soir. Facebook, Twitter, évidemment, comme d'habitude, vous avez été là, présent. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dès dimanche, 20h en direct de Noyon, en Picardie, où vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez venir assister à l'émission chez Olivier, un auditeur de Fun qui a gagné. Donc, on va donc chez lui faire l'émission dans son salon. Et comme il est prof de maths, eh ben il va venir avec tous ses élèves et on fera cours de mathématiques, bah, donc vendredi, dimanche. Quelle horreur. Moi je peux pas. Entre 20h et minuit. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Olivier, des hors-la-loi dans la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Pas mal ce nouveau jingle. Mais t'as vu un peu, hein? Oh là là! Eh oui, mais qu'est-ce que tu crois? Nous, on sait écrire. Bah oui, attends, on est culturés, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, mec, qu'est-ce que tu crois? Bon, c'est JB qui va débarquer. Ouais, vous allez dimanche à Noyon. Oui, on va à Noyon. Si tu fais une vanne, je... JB, fais attention. Attends. Non, attends. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais la blague. Il va lui préparer. Mais si, Toff est derrière moi, j'aime pas quand t'es derrière moi, Toff. Arrête ton cinéma, genre t'aimes pas? Non. Allez, arrête. Il me faisait des bisous encore tout à l'heure. Allez. Bon alors quoi? Bon, donc on va à Noyon, donc ce sera dimanche à partir de 20h en Picardie. C'est à 1h30 de Paris, à 1h30 de Lille, etc. Ça vous donne une idée comme ça pour ceux qui voient pas où ça se trouve. Faut faire attention à l'eau là-bas, hein, parce que noyons-nous. Alors si, c'est drôle, je l'ai déjà faite. Ah bon? Je valide, je l'ai faite. Ah bon, elle a chié, elle est pas nulle, elle a chié. Bon, bah, bref. Sinon, faut et donc, attention dans les fruits, les noyaux. Ouais, c'est bon. Et donc demain soir, on sera également à partir de 21h. Donc, on sera au Speed Park. Si vous voulez venir faire un petit peu de cartes avec nous ou même de du laser game, vous pouvez venir également. Ça vous dérange pas? Sinon, je continue l'émission pendant que vous faites votre discussion parallèle. Il en a failli crever l'œil de. Mais alors, j'en ai rien à foutre. On fait de la radio, pas de la télé. Il a un œil en moins ou en plus, on s'en fout. Bon, je disais donc, ce sera un cyclope, ce sera parfait. Bon, et donc je disais que on sera là donc demain à partir de 21h au Speed Park. Et si vous voulez venir avec nous, bah vous pouvez, il reste encore de la place, on mettra un post sur le Facebook, vous allez pouvoir venir nous rejoindre avec plaisir. Et à 12h30 au El Patio avec le grand concert de Jean-Pierre Sauzère. Et oh là ça va être beau. Ça va pas être beau, ça va être très beau. Voilà. Ça va être et rassurez-vous, il ne chante qu'une ou deux chansons, hein, pas plus. Bon, et t'offres en lapin aussi. Oui, bref, en lapin dans Wonderland. Ah oui, Wonderland, oui, tout un programme. Bon ben bah, passez une bonne nuit en tout cas. Bon courage avec JB, je sais ça va pas être facile, mais rassurez-vous, à 6h il sera plus là. Et ce sera Bruno qui prendra le relais, heureusement d'ailleurs, ah, pour sauver un peu cette qualité, radio. Un peu de qualité. Bruno, 6h, 9h, Bruno dans la radio, le remboursement des factures, la ligne anti-relou, où JB d'ailleurs a pris une grande place d'ailleurs dans cette rubrique. Ah oui, il a l'œil anti-relou, ouais, c'est ah ça. Bah la ligne anti-relou, c'est là, j'ai perdu un œil. D'ailleurs, là, à partir du mois de septembre, ce sera la ligne anti-JB. Voilà, ce sera dédicacé uniquement pour lui, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y a plus assez de relous en France, mais par contre il y a JB ouais. qui lui en termes de relous est pas mal à ce niveau-là. J'aime quand pas quand tu me vannes, Mickaël. Ouais, oh. C'est ça, c'est pas de la vanne. Fais-moi des bisous. Non. T'as dit que t'as pas. Tu sais que tout à l'heure t'allais dit que j'étais un cyclope avec mon œil en moins. Exactement. Mais je fume jamais donc. Ça aurait pu, ça aurait pu. Bon. Cyclope, je fume pas. JB, JB par pitié. Putain. C'est dur, hein. C'est très dur. Bon c'est alors très tu dur. Fais, bah, j'en ai 7, mais j'en bon, ai pas 6. Bon allez, passe un bon week-end. Hein. Ça marche aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, au revoir. Hein. Ah, c'est bon ça, LMFAO. Va te faire enculer, sale pédé.